Amen. Nous allons prier pour les frères et sœurs dans le monde entier qui sont reçus le même programme que nous. Prions que Dieu se révèle à chacun d'eux et qu'il comble leur cœur de sa visitation. Prions. Père, tu connais tes enfants, tous ceux-là qui, de tout leur cœur, te cherchent dans le monde entier. En Amérique, en Europe, dans les coins d'Afrique, en Australie, tout cela dans les confins autour du monde, qui nous écoutent et qu'on ne les connaît pas, et dont tu as disposé les mêmes cœurs comme nous de te chercher. Nous prions aussi, ici, Père et Gloire, afin que toi-même tu te manifestes à chacun d'eux, d'être révélé à chacun de Seigneur. Tu connais les soupirs, les désirs de leur cœur. Tu connais, ô Dieu de gloire, ce par quoi ils traversent. Tu connais toutes les situations de leur vie, les uns, les difficultés, Seigneur, sans nombre. Mais tu as dit les mêmes souffrances sont imposées à chacun de nos frères dans le monde entier. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu visites quelqu'un, tu visites une femme, un homme, un jeune homme, un papa, une maison, ô Dieu de gloire, tous ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur. Tous ceux-là, ô Dieu, qui ont décidé dans le monde entier de ne pas se compromettre avec ce système antichrist. Tous ceux-là qui ont résolu de te chercher de tout le cœur jusqu'à ce que ta gloire se manifeste comme autant des apôtres. Donne-leur, ô Dieu de gloire, d'expérimenter ces mêmes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chaque membre, ô Dieu de gloire, dans les confins de la terre, de se réveiller et d'être apte au Père de gloire pour l'œuvre à laquelle tu attends l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les foyers des chrétiens qui décident de suivre le Seigneur de la bonne façon seront éprouvés. Les foyers, pour ceux qui sont mariés, seront véritablement éprouvés. Il dit les foyers de ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon intransigeante. Ah mon Dieu, seront éprouvés. Et surtout ceux qui ont un partenaire qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Prions que Dieu donne aux femmes chrétiennes d'être soumises à leur mari, quel qu'en soit le prix. Et quel qu'en soit ce qu'il en est, qu'elle présente seulement au Seigneur. Prions que le Dieu de gloire prenne le contrôle de chaque foyer chrétien et qu'il garde les femmes particulièrement à leur place, quelles qu'en soient les tribulations qui vont aller. Prions, frère. Prions. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés. Très souvent, Seigneur, la chair veut prendre le dessus sur la position des Écritures. Nous prions au Dieu de gloire. Alors que tu révèles ces choses au Dieu, nous dénonçons ces œuvres de ténèbres dans chacun des foyers chrétiens où l'esprit antichrist veut agir pour créer le trouble et pousser au Dieu de gloire au divorce. Seigneur, je prie pour cette sœur au Dieu de gloire que même si c'est à la position de divorce, qu'elle ne se compromette point devant toi, mais qu'elle tient ferme dans la vérité, sachant que tu es le Dieu qui justifie tout quiconque. Je prie au Dieu de gloire pour ce frère qui est chrétien et que sa femme ne l'est pas. Je prie, Père de gloire, que malgré les situations, Père, qu'il tient ferme dans la vérité. Je prie pour tous les foyers chrétiens, pour tous ceux-là qui ont décidé d'en découdre avec ce siècle. Ceux qui ont décidé, au Dieu de gloire, que la ligne de séparation doit être mise clairement entre eux et le monde, dans leur foyer, que Satan va utiliser l'un des partenaires pour les éprouver. Nous prions au Dieu de gloire que tu viens en aide à ce partenaire au nom de Jésus. Nous prions que tu te manifestes dans tous ces foyers. Donne surtout à ceux qui sont de toi, Père de gloire, de tenir ferme dans les Écritures et de faire confiance afin que tu puisses te manifester. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Veuillez vous asseoir. Que tout ce que vous faites au nom du Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous, ce n'est pas pour un homme, il le voit. Toutes les fois que vous mettez à genoux pour prier, souvenez-vous qu'on prie pour vous quelque part. Papa, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Les squelettes des têtes des uns et des autres commencent à sortir, donc ça montre qu'au fur et à mesure ça avance. Courage! Vous savez, c'est quand nous avons chanté la dernière fois, on prend courage, amen, aider l'éternel, n'est-ce pas? Dieu t'a formé, on marche vers le ciel. Comment vous allez? Que le Seigneur vous fortifie. Du temps de penser, il est déjà plus de 18h, plus de 19h. Si il vous dit que vous buvez l'eau, vous allez boire, ça vous fatigue. Donc mieux, travaillons dans le genou, ça se en sorte, d'accord? Ça veut dire que quand on est dans la parole comme ça, c'est bien. Vous ne sentez pas la famine, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous vous souvenez une fois, j'avais dit qu'on prie pour la France. Que ce qui s'est passé là-bas n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Je dis particulièrement des gens qui sont, on ne peut pas soupçonner qu'ils sont dans des trafics. Il avait dit ça, n'est-ce pas? Maintenant, des personnes de commencer à donner des informations. Je crois qu'il faudrait mieux ne pas se déconcentrer, qu'on se concentre là-dessus. Mais souvenez-vous, c'est l'un des jugements que la France va écoper à cause de ce qu'ils font aux étrangers. C'est cela. Bon, donc, dans vos prières, pensez à eux. Pensez également à la Suède et l'Allemagne encore dans la prière. Pensez à la Suède et l'Allemagne dans la prière. C'est déjà d'événement où les gens s'amassent en foule et que subitement quelqu'un à l'intérieur, c'est un intrus. Pensez à eux dans la prière. C'est-à-dire que là où il y a des gens, des groupes, des personnes se réunissent. Tout ça, c'est pour créer la psychose, de telle façon que les gens ne puissent plus être dans des bus, des transports en commun, dans des regroupements. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais l'une des choses que vous devez savoir pour tout ce qui en est passé derrière tous les attentats, c'est que c'est le plan de Dieu d'une part. Vous savez, c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre que je sois en train de dire que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu d'une part que ces attentats se passent de cette façon-ci. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça va permettre que les systèmes de sécurité des uns et des autres soient resserrés. On va accentuer particulièrement sur le contrôle des systèmes de sécurité. À un moment donné, il y aura un décret pour faire le recensement mondial. Chaque pays aura la même loi pour pouvoir resserrer le système de sécurité. Et on aura un fichier unique centralisé quelque part où on contrôle les uns et les autres, de ceux qui vont et voyagent. Donc c'est là où on est en train de se diriger. Donc les attentats qui sont là, on va faire de telle enseigne que lorsqu'il y a attentat, tout le peuple, on dit maintenant pour vous sécuriser, il faut que chacun maintenant vienne s'enregistrer. Que chacun donne et vous donnez tous les renseignements possibles sur vos comptes bancaires, tout ceci. Bon, maintenant, chez les Blancs, c'est déjà avancé. Mais je dis que c'est le plan de Dieu qui est derrière. Pourquoi le plan de Dieu? Pour que le grand système dont la Bible parle puisse se mettre en place. Et donc là, derrière ces attentats, c'est tout bon, en toile de fond. Le fichier mondial qu'on va faire. Tous les États vont obéir. Parce que tous les États, enfin les États sont, c'est inter-échange entre eux. Et par conséquent, pour que tu puisses voyager quelque part, quand tu quittes ici, à l'instant où tu achètes un billet d'avion, on peut savoir exactement que tu avais été déplacé. Frère, on est à la fin. On est à la fin. Donc ça ne sert à rien d'avoir un numéro masqué, vous dites, j'ai un numéro de téléphone masqué, je vais appeler quelqu'un. Non, ça ne sert à rien, on connaît qui tu es. Même si tu masques ton numéro, on suit la conversation. Quelqu'un à l'extérieur en train de suivre ton conversation. Vous envoyez un email, on sait exactement l'email qui vous avez envoyé. Vous savez exactement, on sait quiconque vous avez envoyé, avec qui vous avez communiqué. Vous voyez ça, frère, et on est mal barré. Vous avez les téléphones Android maintenant. Vous dites, je suis en train de faire des WhatsApp. Vous remarquez que vous enregistrez avec votre numéro de téléphone. À l'instant où vous cliquez votre numéro de téléphone, ça affiche le pays dans lequel vous vous trouvez. Avec le drapeau directement. Dans votre pays, on est en train de faire le recensement général pour savoir qui a le numéro. Donc tu as un enregistrement avec ta carte d'identité, le lieu de naissance, je suis avec ce numéro-là. Tu es en train d'envoyer le WhatsApp. Tous ceux qui ont sur ton numéro. Donc, si on peut avoir un grand fichier WhatsApp dans leur grand intérêt, on sait tous ceux qui sont sur WhatsApp. Tout ce que vous communiquez, ça passe par là. Frère, c'est la fin. Et puis un de ces jours, tu as de communiquer sur WhatsApp avec quelqu'un qui t'a contacté. Il commence à parler, par exemple, il est musulman, on le suivait depuis. Il t'envoie par hasard un numéro comme ça, un truc. Vous commencez à communiquer, tu es en relation déjà avec le terroriste. Sans t'en rendre compte. Un de ces jours, on te met la main de ce que tu es en relation avec le terroriste. Tu viens, on te montre au WhatsApp avec ce que tu communiquais. D'autres encore, vous avez sur votre téléphone, on vous dit de cliquer sur votre position géographique, localisation. Pour qu'on vous envoie les messages des météos en temps réel. Vous cliquez. Donc, à l'instant où vous cliquez pas, les satellites vous repèrent exactement votre maison. Donc, c'est exactement quand tu as le téléphone, c'est exactement quelle position tu te trouves. Donc, on peut envoyer quelqu'un de la France venir mettre la main sur vous sans demander à quiconque. Avec un appareil qui est devant lui, on regarde ta position, tu te déplaces, ça se déplace là-bas. Depuis l'Amérique. Depuis la France. On vous localise. Vous dites non, je vais jeter le téléphone. J'achète maintenant mon radio, je suis. Le câble de téléphone que vous utilisez sont suffisants pour qu'on vous localise. Vous ne savez pas en quoi cette matière, les extrémités qui entrent et sur l'ordinateur et sur le téléphone. Vous ne savez pas à quoi ça sert. Les services secrets russes ont piraté les services de la NASA et de l'intelligence américaine à cause de ces câbles-ci. Ils fabriquaient des câbles comme ça avec des documents à l'intérieur. Vous branchez sur votre machine, vous appelez, ça connecte sur les machines là-bas. Tout ce que vous faites, ils voient. Maintenant, vous avez quel. N'est-ce pas, quand vous avez un portable qui est gâté, vous allez au marché, vous achetez le rechargeur. Vous achetez, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est dedans. Donc, on est mal barré. La seule chose, c'est être en Christ. Et être prêt pour le grand jour. Donc, frère, on est en sécurité nulle part en dehors de Christ. Même si vous dites que je vais me construire la maison en forêt, ils sont déjà là-bas. On passe des fibres optiques partout, non? On traverse ça partout, n'est-ce pas? Dans quelle forêt t'appartient? On dit que les zones qui sont libres appartiennent à l'État. Qu'est-ce que tu vas en dire? Donc il n'y a pas de refuge sur la terre. Il n'y a pas de refuge sur la terre. Tu dis maintenant qu'il faut mieux, je vois le poison, je meurs. Passe pas pour l'enfer. Donc tu dois devoir vivre. Hein, frère bien-aimé, chacun va vivre. Donc pourquoi vous êtes venu sur la terre, vous allez vivre. C'est pourquoi je regarde les jeunes enfants comme ça, les générations qui vont nous suivre. Si le Seigneur t'aide à venir, ce qui va leur arriver. Donc ces choses, quand il vous dit souvent dans des enseignements, il dit que ceux qui travaillent dans les entreprises de téléphonie servent l'antichrist. Vous ne pouvez pas saisir, pour le moment, vous ne pouvez pas saisir. Ça peut être que vous pouvez dire, je suis radical. Mais les générations suivantes sauront exactement ce que je suis en train de dire. Quand on creuse là, ceux qu'on utilise pour creuser, pour passer le fil optique, normalement, ils sont en train de travailler, pointe la journée, 5000 francs la journée. On les recrute pour qu'ils passent le câble. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas vous dire que non. Le câble, c'est pour l'antichrist. On peut vous dire parce qu'eux-mêmes ne sont pas au courant. C'est qu'on travaille dans l'obscurité, c'est qu'on travaille. On travaille d'abord, premièrement, l'aspect bon, ce qui est bien pour le meuf. Vous savez ça? Ce qui est bien. Maintenant, c'est très facile. C'est à peine que quelqu'un puisse écrire la lettre comme on écrivait avant pour envoyer au village pour qu'on puisse lire. Puisqu'il y a un téléphone Android au village. Tu écris seulement que maman, je t'ai envoyé monogramme à tel numéro, pas tu écris là-dessus. Parce que ça facilite la tâche. On gagne en temps. Il faut qu'on propose toutes ces choses-là. Les fils bancaires, les fils pour pouvoir aller payer de l'eau et de l'électricité. Vous voyez, vous restez chez vous, faites comme ça, vous payez. Quand vous payez, on envoie à votre compte que madame telle, avec votre nom, vous venez de payer une facture, on a débité telle chose de ton compte en quelques secondes. C'est bien, il y a la rapidité, autre, c'est l'aspect normal pour l'éducation de l'être humain. Qu'est-ce qui fait dans cet aspect? Pourquoi tu ne parles de ces choses ce soir, Seigneur Auguste? Nous sommes ici pour le jeune même au courant. C'est comme si tu étais dans une conférence là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Mais permettez-moi de finir ici. Non, non, il faut qu'il quitte ce domaine-ci. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez, vous dites, c'est bien. L'aspect là, on présente comme ça pour que vous soyez habitué. Pour que vous soyez habitué au point où vous ne pouvez plus vous séparer. C'est ça. Donc, ça fait comme ça faisait partie intégrante de votre vie. Du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a lancé le défi de nous séparer de ce téléphone là, la première fois déjà. Vous avez vu l'effet que ça a fait, pas vrai? C'est comme si c'est une partie de votre être qui est sortie. La Bible dit que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça dans votre écriture? C'est le son de des choses que Dieu a déjà parlé. Il y a des choses du monde que vous allez utiliser. Utilisez pas, ne mettez pas vos cœurs comme le monde est le même. Que ceux qui usent du monde comme n'usant pas. Que ceux qui sont mariés, ce qu'on ne forme pas comme ceux qui sont mariés. Vous avez lu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Vous usez du monde, vous allez utiliser ces choses-là. Faites attention que ça ne vous absorbe pas au point où vous ne pouvez pas vous en séparer. Que ça n'a point d'emprise sur vous. Parce que ce sont ces choses que vous faites dans la scène. Lorsqu'on va dire enrestez-vous, vous voyez que vous avez deux options. Soit vous enrestez et continuez à communiquer, soit vous jetez. Vous allez voir, effectivement, ce sera difficile pour certaines personnes de jeter. Parce que tous leurs comptes sont synchronisés. Vous dites, vous mettez dans un téléphone, on synchronise. Vous dites, vous inscrivez à Gmail. On dit que vous avez un autre compte et vous dites, oui, mais vous associez un compte. Tous les contacts qui sont liés à vous avec le compte là, on associe tous, on connaît avec qui tu es en relation. Vous créez un compte, Jimmy, on dit qu'il faut que je donne un autre compte pour confirmer, pour dire que tu ne peux pas fuir. Tu es obligé de donner un autre compte que tu as créé, parce que tu crées un autre compte, que tu donnes un autre compte. Donc si tu crées 8 comptes, ces 8 comptes, tu es en relation avec au moins un compte qu'on connaît de toi. Alors frère, on est barré, mal barré. Donc c'est le système qui a de se mettre en place. Donc préparez-vous seulement. C'est pour ça que vous devrez être averti. Préparez-vous à vous séparer ou tout éventuellement de toutes les choses qui puissent vous compromettre avec le Seigneur. C'est dans ce sens-là. Que ceux qui usent du monde comme n'usant pas le monde. Parce qu'en réalité, tout est à vous. Soit le monde, soit l'amour, soit Christ, tout est à vous. Mais je ne me laisserai pas. Encore à haute voix, je ne me laisserai pas. Je peux entendre tout le monde dire. C'est la gens de cette écriture là. Mais je ne mets tout est sur vous. Tout est à vous. Tout m'est permis. Tout. Tout. Les frères Béguin, ils croient que c'est. Ils croient qu'il va falloir qu'on donne de l'eau en bois. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas. Voilà. C'est l'écriture, ça. Mais je ne me laisserai pas asservir. C'est la Bible qui a dit ça. Hein? C'est le Nouveau Testament. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ne laissez pas quoi que ce soit pour être un jour sur vous. La seule et unique, le seul et unique esclavage dont vous devez être, c'est l'esclavage du Seigneur Jésus. Seul. Parce que là-bas, l'esclavage n'est pas, son jour n'est pas assez, n'est pas rude. Il a dit c'était léger. D'accord, frère bien-aimé. Voilà. Donc faites attention avec vos outils. Et une des choses que je vous ai dit dans l'air. L'une des choses que je vous avais dit dans l'enseignement ici, c'est que tout ce qui se développe sur cette terre comme technologie, c'est pour lutter contre Christ et son Église. Tout. Tout ce que l'Antichrist peut développer. Il dit bien, tout ce qu'on peut développer, c'est pour lutter contre, contre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Tout. Tout ce que vous voyez sur la terre, là, tout ce que vous voyez, les guerres, les crises économiques qu'on a de créer, c'est à cause de nous. Vous savez ça, frère? Il dit, c'est à cause des chrétiens. Parce que tout le système est mis sur place. Le but pour lequel on fait cela, c'est que les chrétiens qui sont dans le monde puissent vivre dans la compromission. C'est pour cela que c'est là. Donc, nous vivons un temps où nous avons besoin de beaucoup de discernement. Pour savoir ce qui est avantageux pour me faire grandir spirituellement et ce qui peut me freiner de l'avancement vers le Seigneur. Vous devez discerner pour savoir ce qui vous est avantageux. Que ceux qui usent du monde comme n'usant pas du monde. Ne laissez pas que le monde s'agrippe sur vous. Regardez par exemple dans ce 1 Timothée chapitre 6, le verset 10 où il dit que car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde et quelques-uns en étant possédés. Vous voyez cela, n'est-ce pas? En étant possédés. Possédés par quoi, frère? Possédés par? Voilà, vous voyez que vous êtes aguerris maintenant. Or, on n'a pas dit qu'ils sont possédés par l'argent parce que l'argent doit être utilisé. On doit utiliser l'argent. Pas que l'argent doit nous contrôler. Vous voyez? Quand tu es possédé par l'amour de l'argent, tu as une cupidité extrême. Donc tu peux vendre ton enfant pour avoir de l'argent. Coucher avec ta fille pour avoir de l'argent. Te compromettre d'une façon pour avoir de l'argent. Pourtant cet argent, frère bien-aimé, c'est un bout de papier. Qu'on a frappé, c'est quelque chose là-dessus. On a décidé que ce bout de papier-ci, on met 10 000 francs sur ça. On met 100 euros ici. On met 500 euros ici. Tout ce bout de papier, c'est le bout de papier des champs qu'on a coupé comme ça, en une forme. C'est le même papier qu'on utilise pour faire le cahier. Mais on a décidé que c'est ci. On a décidé... Et à cause des bouts de papier, les êtres humains s'entretiennent sur la terre. Regardez jusqu'à quel niveau on est descendu. C'est-à-dire que tu as 10 000 francs entre les mains que tu es sorti comme ça. Vous voyez quelqu'un se place quelque part, il était comme ça, qui, waouh, il sort le couteau. Donne-moi les 10 000 là. Il met le couteau sur toi pour un bout de papier. Qu'est-ce qu'il va en faire avec? Il se tourne là-bas, il achète le chanvre, il fume pour se détruire. Il se tourne là-bas, il achète la cigarette pour se détruire. L'alcool pour se détruire, frère. Achetez le couteau pour l'humer encore. Vous voyez ce que Satan a mis en milieu là. Dieu merci qu'au royaume du Seigneur, il n'y aura pas de l'argent là-bas. Il n'y aura rien de ce système-ci. Que notre royaume arrive rapidement. Vous voyez pourquoi l'épouse doit supplier que le Seigneur vient. L'épouse doit supplier que le Seigneur vient. Et maintenant, pour que l'épouse supplie que le Seigneur vient, il faut que l'épouse soit en bon état. Il doit retrouver l'épouse en état, c'est qu'on puisse entrer pour la noce. On doit se donc préparer. Dis à ton prochain, à côté de toi, préparons-nous. En effet, nous y sommes dans la préparation. Nous y sommes. Toutes ces choses-ci, c'est la préparation. D'accord? Ne nous laissons pas déconcentrer par quoi que ce soit, par les voix qui vont faire pour nous distraire, pour les distraire dans nos marches, comme j'ai suivi, vous avez prié tout à l'heure là. Qu'on ne laisse point nous compromettre, qu'on ne laisse point nous distraire. D'accord? Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Ne laissons rien nous distraire. Tout ce qui se passe, alors qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est la distraction. Tout ce qui se passe, alors que tu as de suivre un cheminement pour avancer, tout, si vous n'avez pas encore atteint le but, tout ce qui se passe, c'est la distraction. Très souvent, vous remarquez par exemple, comme nous sommes au Cameroun, vous remarquez que l'équipe nationale du Cameroun a eu beaucoup de problèmes. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est le problème des primes et le problème des dirigeants dans la Fédération Camerounaise de football. Lorsqu'on va finir, on dit que telle personne n'est pas qualifiée pour être président. Les personnes qu'on va finir, présenter, qu'on va finir de mettre là-bas, on va mettre. Le problème va se poser. Le problème va se poser. À un moment donné, quand il n'y a pas de compétition internationale, tout semble se calmer. Lorsqu'une compétition recommence par la suite, subitement le problème surgit. Quel est le but de ce problème? Pour compromettre la compétition, pour distraire. Par conséquent, le moral du tout n'est pas au bon fixe pour aller combattre. Toute personne qui se laisse distraire par de telles choses ne peut pas atteindre l'objectif. Alors vous voyez, à un moment donné, donc, on dit que l'objectif était de participer. Donc il ne partait pas pour gagner. L'objectif était de participer. Oh frère, bien aimé, notre objectif, ce n'est pas seulement d'avoir été dans ce monde-ci. Non. Dieu nous a pas laissé, Dieu nous a pas envoyé pour qu'on vienne accompagner les gens. Dieu nous a envoyé pour qu'on ait un rôle dans son film. Qu'on mette une empreinte. D'accord? Mettez votre empreinte de la bonne façon. Ne sortons pas de ce monde, c'est comme des chiens. Sortons, même s'il faut qu'on donne de notre sang, on donne de notre sang pour la gloire du royaume. Ces jours-là, quand on va fermer les yeux, les martyrs vont chanter avec nous là-bas. D'accord? Toute calomnie, donc, toute mensonge qu'on dit de ton nom, laissez tranquille le Seigneur au courant. Parce qu'il est habitué. On dit qu'il était habitué à la homme de. Voilà. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et lui, c'est le bois vert, frère. Lui, notre Seigneur Jésus, c'est le bois vert. Et il a donc dit. Si on fait ça au bois vert, quand sera-t-il des bois secs? Donc voilà. Le bois qui produit la vraie sève, qui est la vie. Quand sera-t-il de vous qui êtes greffé là-dessus, dont les branches peuvent se sécher à tout moment? Il dit qu'on a cassé. Vous savez, si on casse de branches, les branches vertes, ce n'est pas facile de casser. Mais quand le bras, c'est lorsque vous appuyez, ça fait cac, ça se casse. Et c'est ce que nous sommes, fragiles. Des ouvriers inutiles. Mais qui nous tapons la poitrine chaque fois et défions même le Seigneur dans sa gloire. Ne sachant pas que nous tous nous passerons en jugement au devant de lui. Donc, gardez-vous de ne pas vous laisser distraire. D'accord, frère bien-aimé? Le Seigneur est à l'œuvre. Souvenez-vous, vous faites pour vous laisser le Seigneur faire le sien. Vous allez lire dans la méditation le livre d'Ézéchiel du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Dans la méditation, d'accord? Lisez cela dans la méditation. Ézéchiel du chapitre 8. Je me sens vraiment en forme ce soir, c'est pas vous. Donc je pense qu'on peut vraiment prêcher ici, même 4 heures de temps, aujourd'hui ou 5 heures, si vous me permettez. On vous aimait trop dire que le frère Junior dit trop là. C'est que lorsque vous voyez qu'on vient à 18h, on va rentrer 21h, 22h et qu'on n'a pas de temps, je vous dis, vous trouvez des fériés, faites-nous en savoir pour qu'on puisse avoir le temps de parler. On parle beaucoup, on parle, on met des pauses et puis on parle. Il y a beaucoup de choses à partager dans cette parole-là qu'on n'est pas encore arrivé même au tiers même de ce qu'on doit découvrir dans la parole. Je crois que même que si le Seigneur ne vient pas, on va quitter nous tous cette terre sans avoir encore découvert ce qui est censé pour nous là-bas. Donc, Ézéchiel, c'est ça? Chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Lisez dans la méditation. Jusqu'au chapitre 12, oui. Ajoutez le psaume 89 là-dessus. Merci, Père. Ma Bible se trouve dans cette maison-ci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, le psaume 89 et Ézéchiel chapitre 8 au chapitre 11. Lisez vraiment dans la méditation pendant que vous serez dans votre temps. Il n'est pas dit ici. Quand on sera à la maison, lisez doucement dans vos temps de prière. Souvenez-vous de Ésaïe, 1 Pierre, psaume 30, psaume 103, 1 Pierre, Colossiens. Et souvenez-vous de ce qu'il dit lors de l'enseignement précédent par rapport à la sensibilité du Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Souvenez-vous, même pour noter Ézéchiel seulement, il faut 2 heures de temps. Quand je viens prêcher, vous allez dire que je dis. Ézéchiel chapitre 8 au chapitre 12. Et puis le psaume 89. Donc, les deux premiers piliers de ce moment de jeûne-ci, nous avons déjà vu, pas vrai? Nous avons vu la séparation définitive, restitution effective, et maintenant, il reste le pardon, la libération par le pardon. Est-ce que le Seigneur voudrait que nous parlions de ça ce soir? Bon, pendant ce temps de jeûne, si vous vous laissez donc véritablement conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il agit avec vous? Vous le sentez à l'œuvre? C'est quand même étonnant lorsque vous voyez la façon dont Dieu agissait dans l'Ancien Testament, mais comme il agissait avec les disciples. C'est-à-dire que si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez quelque chose arrive à quelqu'un sans qu'on le dise directement, sans que la personne ait dit, sans que Dieu ne lui ait dit que je vais faire telle chose. Quand la personne est interrogée, la personne dit que c'est le Seigneur qui a permis cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas discerner la voix de Dieu. La Bible dit donc que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. On dit que c'est l'Éternel qui dirige les voies de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre cela? Donc c'est pour cela que c'est un Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Parce que quand vous dites, nous sommes arrivés ici en réunion maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous êtes arrivés. Pour nous comprendre cela, vous dites amen véritablement en croyant que c'est la parole du Seigneur, ça. C'est-à-dire que comme vous êtes chrétien en plus de cela, comme vous êtes être humain, et comme vous êtes en plus chrétien, c'est-à-dire que ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de son fils Jésus, avec vous, rien n'est un hasard. Vous saisissez? Avec vous, rien n'est un hasard. Et par conséquent, tout ce que quelqu'un peut vous faire, c'est dans le plan tout simplement. Mais c'est le vrai problème, c'est que très souvent, ça touche notre chair et notre ego au point où nous ne savons pas où on se retrouve. Dieu veut souvent réformer notre vie. Dieu veut souvent réformer notre vie. Il utilise donc les choses que nous pouvons considérer comme des choses folles. Ça peut aller de la maladie jusqu'à la mort pour nous réformer, pour nous donner une nouvelle destinée, nous conduire encore sur la voie qu'il veut pour nous, pour passer à une autre étape, mais nous ne semblons pas percevoir cela. C'est ce qui nous arrive très souvent. Et par conséquent, quand on ne comprend pas ces petits principes, on commence à murmurer. Et murmurer, c'est vraiment dire qu'on va redoubler la classe. Je crois que cet enfant qui est dehors là veut que quelque chose lui soit dans la bouche. Vous qui êtes debout, me suivez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dehors aussi. Oh, les frères dans le monde entier pensent à vous. Et je crois que vous êtes mature ici vraiment pour écouter certaines choses et pour dire certaines choses, pour recevoir certaines choses. Dieu voulant, on va voir. Donc, je vous rends. Donc, voici, nous sommes à la cuisine. Ça, c'est avant-hier que ça se passait au 2 ou 3, je ne me souviens plus. Il y a une femme qui m'appelle de Bordeaux, en France, dans un village là-bas. Elle a écouté l'enseignement, elle était une ancienne catholique. Elle a écouté les enseignements sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Elle se trouve là-bas, elle appelle. Nous voici, nous sommes vers 18h. On ne se prépare à couper le jeûne. Je parle de la sensibilité du Saint-Esprit, les choses que Dieu peut vous faire. Alors, je sens de causer avec elle sur l'ordinateur. Je porte l'ordinateur du salon, je vais mettre à la cuisine, mettre sur la table de la cuisine, le temps de couper le jeûne. Mon épouse en train de préparer, on est en train de mettre à la table. Et je sens de causer avec elle. Subitement, le Saint-Esprit lui dit, oh, je vais prier pour toi maintenant. Et puis, je dis, tend la main. Oh mon Dieu, quand vous savez, le Saint-Esprit, quand il fait les choses, il tend la main. Vous imaginez que quelqu'un tend la main au travers de l'écran. Il dit, ok, maintenant, j'ai arrêté ta main, je vais prier pour toi. Cette douleur, c'est dans le ventre. On prie à distance, elle est à Bordeaux. Vous suivez sa frère. Après, il lui dit, va aux toilettes. Elle va aux toilettes, elle rentre. Il dit, ok, mercredi, donc à midi. Ce jour, mercredi, elle a appelé. Comment tu vois? Elle dit que frère, elle n'a pas encore expérimenté ça. Depuis le jour là, le mal a disparu. Et puis, et plus grave, les choses qu'elle. J'en ai parlé du fait qu'il n'y ait pas de hasard. Plus grave maintenant, j'avais des problèmes avec telle personne depuis. La personne a appelé. Vous voyez les choses, Dieu commence à écarter la voix. La paix à l'intérieur revient. Toutes les choses, elle commence à voir en clair maintenant comment Dieu peut agir. Il lui dit, ma soeur, qu'est-ce que tu peux dire de ce que Dieu a fait? Tu es à distance. Comment tu pensais que ça pouvait arriver? Non, non, non, non. Donc il arrive des moments où Dieu, pour se manifester, n'a pas besoin même de ta propre foi. Pour se manifester. Vous pouvez voir ça, vous pouvez arrêter sa main au travers de l'écran. D'accord, mon frère. Hein? Amen. Vous dites vraiment amen ou bien vous dites amen? Amen. Non, je dis que je pose la question, vous dites amen vraiment, vraiment, ou bien vous dites amen tout simplement? Amen. Oh, ben, expliquez-moi donc comment ça se passe au travers de l'écran alors. Le Seigneur à l'œuvre. Le Seigneur à l'œuvre. On peut cacher des noms. Pourquoi vous dites le Seigneur à l'œuvre? Voilà. Donc, ça veut dire que on peut dire que va, ton enfant est guéri, le démon sort là-bas. C'est ça? Mais dans ce cas, si le démon sort là-bas, qu'est-ce qu'il lui a dit là-bas de sortir alors? C'est un vrai problème, pas vrai? Oh, mais les chiens peuvent manger ce qui tombe des tables des enfants. Femme, à cause de cela, voit ta femme est dans la salle. Et la Bible dit qu'à l'heure même, le démon sortit d'elle. Personne n'a dit au démon que je te commande de sortir. Il dit que femme, ta foi est grande, ton enfant est grand. À l'heure même, le démon sortit. Qui a dit au démon de sortir? Frère, marchez par l'esprit. Marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit. Alors, vous pouvez voir quelque chose sortir de votre corps, traverser dans l'écran. Vous pouvez sentir cela. Quelque chose sortir, traverser dans l'écran et agir. Vous pouvez savoir cela. Vous pouvez savoir que quand quelque chose sort et agit au travers de l'écran. Vous suivez, frère? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré durant ces moments, avant qu'on avance dans le troisième pilier, si Dieu le permet? S'il commence à donner les versets, on va prendre. Avez-vous vu des choses? Si on n'a pas eu des choses, s'il n'y a pas de... Oui, frère, viens là. Que Dieu te bénisse. Tu parles à haute voix. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Je vais bénir au nom de Saint-Navarre. Bon, ce que j'ai vu durant ces... Durant ces jours, c'est que c'était les 3 heures, parce que mes heures de prière à 3 heures et 5 heures. Les 3 heures qui est fini de prier la nuit, je me suis donc couché vers 5 heures, donc je me retrouve en Israël. Bon, j'étais au Cameroun, le Cameroun était comme l'Israël devant mes yeux. Tu as le passeport, frère? Non, j'ai le passeport. Bon, la chose qui se trouvait, c'est que quand je me suis retrouvé, et là-bas, c'est que c'est comme si on était en forêt. Bon, maintenant, donc, le peuple, il y avait le ciel s'est ouvert comme ça, là. Il y avait les esprits impurs qui sont descendus. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les esprits impurs tombaient sur la famille d'Aaron. La famille d'Aaron. Donc, je savais que c'était la famille d'Aaron, le sang d'Aaron, que ça tombait uniquement sur eux. J'ai dit, ah, ça, c'est quoi ça? Directement, maintenant, les âmes étaient données aux frères de combattre ces esprits-là. Maintenant, donc, quand il y a un frère, donc, on combattait, et j'étais à l'action, et j'étais aussi fort comme ça, j'ai resté comme ça, j'étais dédoublé. Je vois la chose se passer. Maintenant, il y avait un frère qui a eu, il avait une âme là, que quand il dégageait, ça sortait, il a pu se battre partout. Donc, tellement ce combat était rude, les esprits tombaient seulement, et c'était comme une chauve-souris, il y a eu ce genre de. D'être là, bon, c'est comme une chauve-souris, mais pas comme une chauve-souris. J'ai un objet aussi d'animal là, mais ça, c'était l'esprit impur qui descendait. Mais les frères combattaient maintenant. Il y avait un frère qui combattait, qui avait, Dieu l'avait donné une âme, qui combattait tellement. La voix venait, ça me transperce, mais ça ne me faisait rien. Je combattais aussi. Maintenant, j'ai vu, et voici un vampire qui quitte. Je savais que cet homme-là est vampire. J'ai mis, j'ai pas questionné. Est-ce qu'un vampire peut combattre avec les chrétiens? Donc, quand il s'approchait là maintenant, le frère l'a combattu, il versait les balles partout, maintenant, la balle l'a emporté, il est ressorti du camp, il s'est passé encore de l'autre côté, il s'est encore préparé, il est parti, donc quand le frère combattait, il s'est tourné comme ça, il partait un peu derrière le frère pour pouvoir, il faisait le frère pour pouvoir aussi entrer, combattre avec les chrétiens. Je dis, maintenant, comment est-ce qu'un vampire peut combattre avec les chrétiens? Dans ce sens, je posais la question, je dis, oh, je vois la scène, vraiment, ça s'est passé. C'était dans la foi, c'était vers presque 22 heures comme ça dans le songe. On combattait maintenant donc. Et ce qui m'a scandalisé, c'est que c'est. Puisqu'on y avance, c'est comme c'est Rome qui était là. Donc, j'ai repris Rome parce que la personne donc, qui avait pour mission de combat était conduit une troupe de rester impur. Maintenant, donc, il allait s'asseoir sur la table du pape. Donc, le pape a servi. Quand il y avait une table comme ça, on a déposé là, il y a deux. J'avais vu là, une tasse de thé comme ça, il tournait, il buvait. Il demandait que tu es mon fils, tout ce que tu fais par mon pouvoir. Il dit que je suis en train. Qui disait ça? Le pape était là, il parlait là, à la personne donc, qui contrôle le truc des démons là. Oui. Il demandait, bon, et il demandait que tu es mon fils, tu sais tout ce que tu fais, c'est moi qui donne le faire cela. Celui qui dehors là, vous suivez? Oui. Donc quand il parle là maintenant, il dit que non, va encore, tu continues, les gens là ne sont pas encore finis. Le gars, il est sorti donc maintenant. Je me suis donc retrouvé comme chez nous au village, en ce moment-là. Comme je me suis donc retrouvé là-bas, on m'a pris donc, on m'a mis sur un bois, on m'a piqué. Il a pris le couteau. Qui a pris le couteau? Le type là, donc, il m'a pris là, il a dit, celui-là, il croit qu'il aime trop. J'aime le Seigneur, il a dit, j'aime le Seigneur. Il m'a dit, viens là, pourquoi venir ici là? Il y avait des trucs, des gens derrière moi comme ça là. Il m'a pris là, je sur le couteau, sur un bois pendu comme ça. Il m'a crucifié avec le couteau. Après, il a piqué l'autre ici sur mon ventre, c'est là. Il a piqué cela comme ça. J'ai crié, mais je ne sentais pas mal. Il criait seulement, il criait, il me dit, tu vas régner, c'est le reste. Il a encore enfoncé encore le couteau pour une dernière fois. Et il a le truc là, dans ma côte. Il a insisté, le sang sortait avec une pression. Ça fait et j'étais là, je vois la scène, je me dis que le gars c'est à le cœur. Comment tu peux supporter une douleur comme ça là? Après ça maintenant, il a fait cela, après il m'a dit, après il m'a laissé donc. Il s'est tourné maintenant vers les autres maintenant. Il persécutait maintenant les autres frères. C'est là où je me suis dit. Mon sang est fini cela. Amen. Qui d'autre frère? Lorsque vous recevez ça, est-ce que vous écrivez? Est-ce que quand tu reçois, tu écris frère? Ou bien c'est dans ton esprit? C'est le jour où des choses vont commencer à vous arriver, que vous avez vu, que vous devez savoir de quoi les questions. Vous avez compris le songe, n'est-ce pas? préparons, en fait, nous sommes en préparation, nous sommes dans la voie, n'est-ce pas? Vous savez que si vous faites déjà 21 jours de jeûne, un de ces jours, on lance un peu une crise économique comme ça. Vous savez-vous que Dieu peut appeler la famine sur un pays? Dieu peut décider qu'il y ait la famine. Pas pour éprouver, mais pour montrer qu'il est Seigneur. Vous savez ça, frère? Ok. Mais souvenez-vous, il ne fait rien sans avoir averti à ses prophètes. Pensez-vous, il y a quelque chose dans son songe, là, je ne sais pas comment on va faire ce soir-ci. Quelque chose dans son songe, le fait que il a dit un ennemi étant de combat avec les chrétiens. C'est ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du songe de la sœur du Canada dont j'ai parlé ici, où les gens là se trouvent en plein milieu chrétien, en plein les dirigeants. Mais maintenant, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit descend sur les chrétiens, ça descend sur un sataniste qui se trouve en plein milieu? Vous croyez ça? Vous allez me répondre avant qu'on va continuer ce soir. Vous dites oui, vous justifiez avec les Écritures. Marcher avec les apôtres, c'est différent. Même Satan marche avec Dieu. Qui a porté Jésus pour vous mettre sur le haut du temple? Qui a porté Jésus pour mettre au... Ça fait qu'il est le Saint-Esprit? Alors, je pose la question. Suivez bien, n'essayez pas de me tourner ce soir. Est-ce que le Saint-Esprit descendant, comme on se trouve là-bas, si se trouve des âmes iniques au milieu de nous, est-ce que ça peut descendre sur eux? Non. Donc j'ai deux résultats, donc ça me réconforte. Donc j'ai déjà oui et non. Donc ça montre qu'il y a confusion. Il faut qu'on résolve cela maintenant. Parce que c'est son songe reverse là. Oui, mon cher frère Roland, tu as dit quoi? Oui ou non? Non. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, que le monde ne peut recevoir parce que n'ont pas connu et aimé la vérité. Oui. Dans les fils du monde ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit encore. Non, non, non. Je ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit. Une chose, regarde bien, suivez bien le mot que j'ai utilisé. Il dit, est-ce que ça peut descendre sur... Je n'ai pas parlé de recevoir sur une autre chose, d'accord? Recevoir le Saint-Esprit est différent. Donc, suivez bien la question pour ne pas répondre à une autre question. Je continue en disant non. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ parle, lorsqu'il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, oui. Il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit sur ce que le Père lui a donné. Oui. Donc, je comprends mal que le Saint-Esprit descend sur... On va voir ce que l'Écriture a dit tout à l'heure. Mon cher frère, celui qui a dit, tu as dit quoi? Ta position, c'était quoi? Ma position, c'est... Bon, attends, ne dis pas. Vous tous, maintenant, chacun est obligé de répondre. Le Saint-Esprit peut-il descendre sur un impie alors qu'il se trouve en plein milieu de l'assemblée lorsque le Saint-Esprit descendre? Ceux qui disent oui, lever la main, voir. Voilà, donc. D'abord, un pour voir les gens. Donc, c'est qu'ici, il n'y a personne qui a levé la main. Il n'y a pas de position neutre parce qu'il n'y a pas de question intermédiaire. Il y a deux. Une question, soit oui, soit non. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a aussi dehors là. Le dehors, oui, ils sont neutres là dehors. Personne n'a levé la main là-bas. Ok, je pose la question. Ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit puisse descendre sur un incroyant ou bien un impie qui se trouve en milieu chrétien, qui lève la main, voir. Ceux qui ne croient pas, levez la main. Baissez la main. Ceux qui ne savent pas, levez la main. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas si oui, ça peut descendre ou ça ne peut pas descendre, levez la main. Donc, c'est là un grand nombre. Amen. Ça montre qu'il y a vraiment un problème. Ça montre qu'il y a problème. N'est-ce pas, frère? Et quoi, si vous permettez, on résout un peu cela avant d'aller. Bon, on va d'abord rentrer dans la nature. On va rentrer dans la nature et voir cela dans la nature. Je vais vous titiller ce soir, vous laisser, vous rentrer avec. Puis prochain, c'est on va répondre pourquoi on avance ce soir, d'accord? Vous savez ce que c'est que l'épine? C'est quoi l'épine? L'épine. Vous connaissez ce qu'on appelle l'épine? Les épines, c'est quoi? La partie qui pique sur certaines plantes. Vous avez vu les plantes qui ont l'épine? C'est le type de quoi? Le type, l'épine représente quoi dans le royaume? Les mauvais. Les mauvais? Parlez à haute voix. L'épine représente quoi? La mauvaise épine. Voilà. Ou bien, je vais dire cela. Vous savez que dans le champ, il y a les bons herbes, pas vrai? Il y a les mauvaises herbes. Dites-moi sur quel lot des bénédictions du ciel tombe. Comment? Ok. Si les deux dons se trouvent dans un endroit désertique où chacun est en train de déjeuner, et priant. Lorsque la terre, l'eau tombe là pour la première fois, qui dit Alléluia, Amen? Tous les deux. Tous les? La personne qui a d'abord dit tout à l'heure, non, c'est lui qui a affirmé déjà comme ça. Là. Alors, avec cette allégorie là maintenant, allez travailler. Et puis on va revenir, on va rentrer dans les écritures maintenant pour que vous allez voir que la, ce que l'homme pense, ce que l'homme dit, ce que les théologies disent, c'est différent de ce que quand vous connaissez Dieu, la façon de Dieu d'agir. Je ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pour ses enfants, c'est pour les fils. Le Saint-Esprit est donné au fils. Tu n'es pas fils oublié. D'accord, frère? Genèse chapitre 27. Notez donc, notez, on va commencer ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous bénissent. Amen. Notez Genèse chapitre 27. Merci Père. Merci Père. Je crois que ce soir, nous allons voir la première partie de cet enseignement. C'est la première partie, nous allons voir ça en plusieurs parties, comment, selon que Dieu va vouloir. Donc, en premier lieu, nous avons vu le, quoi, la séparation, c'est ça? La séparation définitive avec toutes ces choses-là. En deuxième partie, nous avons vu la restitution effective. Veillez à restituer cela. Veillez à restituer. J'ai fait ma part avec mon épouse. J'ai restitué ce qu'il y avait à restituer. Et commencez à y penser parce que c'est grave. Commencez à y penser parce que dans le monde, c'est en train de créer des situations. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, qui auront beaucoup de problèmes, ce sont les gens qui ont quitté le pays d'une certaine façon. Vous savez comment ils quittent le pays? Allez et deviennent chrétiens là-bas. C'est là où vous rencontrez maintenant que vrai, vous avez fait, vous avez tourné en rond, il faut revenir à la case départ pour recommencer. C'est que vous ne pouvez pas fuir Dieu. Quand Dieu a l'œil sur vous, montez, descendez, vous allez retourner là où il vous attend. On ne peut pas le fuir. Tout peut sembler bon. Vous permettez que je donne un message là, un instant avant de continuer. Dieu veut traiter avec certains styles d'orgueil. Permettez que je délivre ce message là maintenant. Il faut que je m'en débarrasse là maintenant. Merci, Père. Dieu, il y a plusieurs styles d'orgueil. Dieu veut en découdre. Ça, c'est au milieu chrétien là maintenant. Dieu veut en découdre avec plusieurs. Je tente de parler de ceux qui sortent d'une certaine façon. Je pars à l'étranger pour. Vous voyez, et puis ceci est venu maintenant. Dieu veut en découdre avec des gens, certaines personnes, catégories de personnes particulièrement. Le but de ce que Dieu veut faire dans leur vie, c'est ils ont deux alternatives. Soit ils se soumettent à Dieu maintenant, maintenant, ou bien Dieu les soumet par sa puissance en renversant leur orgueil, par ses façons de faire. Lisons quelques passages dans la Bible, la voix. Merci. Deutéronome chapitre 8. Lisons Deutéronome chapitre 8 là rapidement. Ce n'est pas ce soir, c'est bizarre là. C'est quoi cette histoire? Deutéronome chapitre 8. Donc faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses, nous lisons dans la Bible, nous croyons que c'est écrit au hasard. Et des choses, nous avons cela dans nos vies, nous ne savons pas que c'est cela. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne de cette façon, il commence à faire ces choses-ci. Et regardez maintenant ce qui arrive. Oh mon Dieu. Notez également. Oh mon Dieu. Deutéronome chapitre 8. Notez au chapitre 6 aussi, le verset 12. On va y arriver là. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous y êtes? Commençons par Deutéronome chapitre 6, le verset 12. On lit ce qui est écrit là-bas. On lui donne cela. Et puis on va aller dans Deutéronome chapitre 8. Regardez. Je vais lire. Souvenez-vous de ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message-là, c'est pour briser l'orgueil dans le cœur de certains chrétiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 6, verset 12 dit. Lisons, je commence qui écrit là-bas. Écoutez, regardez. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous y êtes là? Le verset 10 est suivant. Depuis le verset 10, il dit que le Seigneur va te faire passer par. Va te faire quitter ce pays, il va de la maison des servitudes pour te faire entrer là-bas. Mais, et puis, il a dans ce verset, il dit que lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Beaucoup de chrétiens luttent avec des difficultés financières. Beaucoup de chrétiens, je dis, je tente de parler de ces gens-ci, ces personnes qui vont sortir du pays d'une certaine façon par maladresse et d'une façon ou d'une autre, comme les êtres humains sont forts, font des faux passeports, faux visas et autres, là, ils parviennent à voyager. Étant là-bas, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Étant toujours avec le faux passeport, avec le faux nom, avec les fausses façons de faire, marchant dans ces dérèglements. Et puis, certains vont trouver le travail. C'est ceux qui trouvent le travail dont il est question ici. Donc, ceux qui bagarrent, Dieu donne une promesse, par exemple, que tu vas arriver à un endroit, tu t'es battu sur la terre, battu avec des difficultés familiales, battu avec certaines choses à l'école. Peut-être brillant même, et là maintenant on occupe un poste vraiment excellent. Dieu dit ici, allons-y au chapitre 8, merci Père, allons-y là-bas. Alors on y va, je vais lire à partir du verset 2, je veux que vous gardez ceci à l'esprit. Et que si vous avez des frères et des sœurs qui les conseillent, faites-les comprendre que c'est l'ordre du Seigneur. Ils doivent revenir sur terre, ils doivent redéposer leurs pieds sur terre et reconsidérer leur voie. Sinon, le Seigneur va quenailler au niveau de leur emploi. Et leur emploi sera pour eux une occasion de chute. Ils vont savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, suivez attentivement. Verset 2. Souviens-toi, nous sommes dans Deutéronome 8, là, tout le monde avec moi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Vous y êtes? Dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Vous avez vu cela? Dans les moments de difficulté, de preuve pour un chrétien, c'est le moment où Dieu a dit, ils sont dans le test pour éprouver. Dieu dit ici qu'il a fait passer les juifs dans le désert, dans cette désert, pour les humilier, pour les faire comprendre qu'ils ne sont rien. C'est pour cela que Dieu ne comptait pas sur leur capacité pour leur donner des choses dans le désert. Suivez ça, frère. Ils avaient soif, ont frappé le rocher, l'eau sort. Ils ne se posent pas la question comment l'eau fait pour sortir du rocher. Ils disent qu'il n'y a pas de viande dans le désert, les viandes sortent, ils mangent pendant plus de 30 jours, chaque jour avec de la viande. Ça ne va pas, il ouvre les écluses des cieux, la main tombe du ciel, il mange. Après, jusque-là, ils sont toujours orgueilleux. Dieu montre que ces choses-là se trouvent dans le cœur. Vous êtes avec moi là? Alors, il dit, continuons ici, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Écoutez très attentivement. Dieu parle à son peuple ici. Dieu parle à son peuple. Dieu dit qu'il l'a fait souffrir à son peuple la faim. Vous pouvez imaginer Dieu faisant ces choses? Il a un but derrière. Il t'a humilié, virgule, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que le but pour lequel il mangeait la manne, dans cette difficulté, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu veut nous faire comprendre que quand il fait passer l'homme dans les difficultés, il faut qu'on sorte de là étant enseigné que dans les difficultés comme dans les bons moments, on doit avoir le regard sur Dieu, on doit le reconnaître comme celui qui fonctionne et faire fonctionner nos vies. C'est ce que Dieu veut faire comprendre. Dieu veut que l'être humain puisse assimiler ceci, que ce n'est pas par ses forces qu'il parvient à manger, que ce n'est pas par son intelligence qu'il parvient à trouver le travail. Que ce n'est pas par sa propre force, par le fait qu'il ait une relation, qu'il a un poste. Ce que Dieu veut faire comprendre. Il dit qu'il t'a donné la famine. Il a fait souffrir de la faim. Il parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Souvenez-vous de cela. Regardez ici, verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Donc Dieu prenait soin jusqu'à même les pieds, les orteils. Vous pouvez voir ce que ça veut dire. Dans le désert, frère, où il y a les scorpions et les serpents venimeux. Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est terrible ça. Reconnais en ton cœur. Ça se passe où, frère? Où? Dans le cœur. Voilà. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Vous y êtes? Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand quelqu'un est dans sa maison, quand quelqu'un a souffert, ça et là, erré, ça et là, ne trouvons pas des endroits. Quand Dieu lui donne le repos avec une maison, il s'assoit là-bas, il s'enorgueille, il met les pieds, il croise les pieds comme Nebuchadnezzar. Il commence à dire ces choses, sinon pas le moment qu'il y avait. J'ai fréquenté, j'ai eu la licence, j'ai eu le 2A. J'étais premier de ma promotion. J'ai bossé du nuit et jour pour avoir ça. J'ai. Oh frère, quand vous faites de telles choses, Dieu te regarde sur la terre. Il dit pas où, je vais commencer avec celui-ci. Donc quand quelqu'un dit de telles choses, il a le droit de juger de Dieu de jugement sur lui. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, première chose, tu... Et il ne veut pas dire que... Écoutez très attentivement, il a commencé à parler de cœur là. Il a dit, souviens-toi de ceci. Lorsque tu vas entrer dans ton pays, quand tu vas manger, garde-toi d'oublier l'Éternel. Dans ce livre des chapitres, dans le chapitre 6, nous avons lu le verset 12. Garde-toi, donc méfie-toi d'oublier l'Éternel. Ici, on te donne la mise en garde. Quand tu vas manger, tu vas te rassasier, bénir Dieu. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, je t'ai béni. Ce n'est pas ça dont il est question. Que ton cœur soit attentif pour comprendre que c'est lui qui est à l'œuvre. Vous suivez ça, frère, dont tu lui rends grâce en toutes choses, comme la Bible déclare. Regardez verset ici, verset 11, suivez attentivement. Suivez attentivement, bien-aimé, je m'adresse à vous. Tous ceux-là donc qui ont souffert et qui sont montés sur quelque endroit que ce soit, comme sa part de trône, de victoire. Un endroit où on peut appeler un endroit de repos. Peut-être que tu es une femme qui a souffert de mari, un manque de mari, tu es entré maintenant dans un lieu maintenant. Tu commences à croire que ce n'est pas ta capacité parce que tu es belle, que tu as eu ton mari. Un de ces jours, quelque chose va arriver. Soit c'est les boutons, l'acné qui va commencer à sortir de ton visage, tu vas voir ce que ton visage devient. Et tu sauras vraiment ce que c'est que la beauté, la vraie beauté. Verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, souligné. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Chrétien, attention à la richesse et aux bénédictions de Dieu. Chrétien, attention à la bénédiction et aux richesses que Dieu vous accorde. Dieu veut humilier les gens. Dieu, c'est universel là maintenant, c'est dans le monde. Dieu veut le faire. Regardez. Prends garde, nous sommes au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Vous avez ça, frère? Qui t'a fait manger dans le désert la main inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, verset 17, mon cher frère, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de la main m'ont acquis ces richesses. Chrétien, attention à l'orgueil de notre cœur vis-à-vis des richesses que Dieu nous accorde. Chrétien, attention aux richesses, au poste de travail, au mariage, au succès, aux richesses que nous avons eues après les difficultés. Attention. Attention à ce qui sort sur notre cœur. Il y a des gens qui... Il dit bien, initialement, tu vis à la maison avec un pauvre. Vous vivez comme ça. Subitement, tu es à la maison. Tu as le canapé. Les propres frères avec qui tu souffrais viennent. Tu ne peux pas les laisser s'asseoir sur le canapé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, Dieu va entrer dans ces choses-ci. Si c'est quelqu'un qui a un foyer et qui essaie de bloquer quelqu'un, les entrées, fermer les entrées comme la Bible déclare, c'est là-bas que l'humiliation va venir. Si quelqu'un a du travail et que les frères n'en profitent pas, comme Dieu le dit, il a dit, souviens-toi, ne pas oublier Dieu. Dieu, c'est là au niveau du travail que Dieu va mettre le doigt, secouer, agiter, afin d'humilier. C'est-à-dire, si la personne est plus haut, il va chuter, aller plus bas. Et quand on est plus bas pour monter, c'est encore terrible. Donc, je crois que monsieur a quitté de cela maintenant ce soir. Je suis libre là maintenant. Je suis libre. Oh, j'ai eu les diplômes. J'ai eu les diplômes. Tu as les diplômes plus que qui? J'ai trop fréquenté ces dehors. J'ai fréquenté à l'université de Sorbonne, à Harvard. J'ai soutenu ma mémoire avec mention très bien. Tu as soutenu plus que les qui? Il y a des gens qui n'ont même pas eu le diplôme que tu as. Ils ont été appelés les grands architectes, les grands scientifiques de ce monde. C'est sans diplôme. Allez demander à chaque professeur d'université quel diplôme Einstein avait. Vous pensez qu'il avait le baccalauréat? Le voilà qui perturbe les professeurs agrégés aujourd'hui. Ecclésias chapitre 9. Sortons ici avec ces livres-là. Ecclésias. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, gardons-nous d'avoir un cœur orgueilleux au point de croire que si nous avons du succès dans quelque domaine que ce soit, c'est parce que nous méritons. Gardons-nous de cela. Gardons-nous de cela parce que la souffrance nous y dispose. La souffrance nous y dispose. Au bout de cet orgueil-là se trouve la souffrance qui sera sans fin. Ecclésias chapitre 9. Vous y êtes? Vous êtes dans Ecclésias? Vous êtes dans Ecclésias? De toute façon, si vous êtes dans ces messages, vous y êtes. Exode chapitre 9, je vais lire le verset 11. Écoutez très attentivement. J'ai encore vu sous le soleil que, 1. La course n'est point aux agiles. La main là. La page 672. Donc, elle est en train de feuilleter comme ça. Elle va dans 1 Corinthiens. Elle tourne. Donc, on va tourner comme ça. Là, on va finir de lire ici. Je veux que vous lisez la Bible chaque fois pour que quand ça sort de vos yeux là, que vous voyez dans vos propres Bibles et puis que vous sachiez de quoi il est question. Vous y êtes? Page 672. Ok, maintenant. J'ai encore vu sous le soleil. C'est celui qui a déjà donné la sagesse pour essayer de questionner les choses du monde. Questionner les choses dans l'univers afin de nous donner les instructions concernant cela. Pour qu'on ne se casse plus la tête derrière. C'est lui qui a écrit cela. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, page 672. Vous allez profiter maintenant pour dire maintenant que mieux on arrête. On va prêcher. Il va vous donner des passages écrits même comme ça là. Amen. Quand on coupe la lumière, vous êtes content. Verset 11 de ce livre de chapitre 9. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, virgule. Regardez très attentivement. Il dit que la course n'est point aux agiles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es léger que tu vas gagner une course. Ce n'est pas parce que tu as gagné que tu as l'équipe déjà le facile que tu peux gagner une course. Non, j'ai fréquenté, mes parents ont dépensé sur ça. Les parents aussi, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai dépensé tous mes plantations, j'ai vendu le cacao, j'ai souffert ici. La maman, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai vendu le beignet ici depuis. Regardez, ma peau comme ça, c'est le feu qui a brûlé pour t'envoyer à l'école. Et mon fils est avocat aujourd'hui. Ouh, mon fils est avocat. Il est au barreau de Cameroun. Ouh, tu es avocat. Et c'est ça, vous invitez la société de la famille. Quelqu'un qui n'a pas pu avoir, ça dit que je vais te montrer. On mange son cœur là toute la nuit. Après, tu commences à dire que les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir. Pourquoi? Vous ne savez pas que vous avez ouvert la porte par l'orgueil. C'est difficile que dans la bouche de quelqu'un, vous entendez quelqu'un dire, par la grâce de Dieu, ce que j'attendais, Dieu m'a accordé. C'est que j'ai vu, j'ai mon oncle qui est là-bas. Mais il a cogné la porte fort comme ça, on a ouvert la porte. Ton oncle est Dieu, non? Ah, le jour du mariage, vous voyez, les gens font les balles comme ça. Pipim, pim, parlez encore. Pipim, pim, parlez encore. Pendant que je dis pipim, pim, parlez encore, quelqu'un dit aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Donc, pendant que tu es en train de prophétiser, que pipim, qui parlait encore pour guérir, il a dit que demain on vous attend au tribunal. Deux jours après, qu'est-ce qui se passe? Que je regarde, mais qu'est-ce que tu m'as envoûté avant qu'il dise oui? Faisons attention. D'accord, frère? Faisons attention. Vous voyez d'où les domaines où nous avons besoin de repentance, de quelqu'un de marcher, vous allez au travail, vous marchez, vous êtes orgueilleux, vous voyez quelqu'un en route qui n'a pas trouvé le travail, et d'autres encore, vous venez habiter chez lui, pour ceux qui sont sous-souvres, vous venez habiter chez lui, et dire, sors, va chercher le travail, et lui sait combien c'est difficile dehors pour avoir le travail, c'est-à-dire que tu sors, tu marches comme ça, que je cherche le travail, je cherche le travail, il ne peut pas te dire que voici ce qu'on va faire pour que tu aies le travail, prions, voyons ce que Dieu va orienter. Il dit, tu ne sors pas chercher le travail. Qu'est-ce qu'il y a, tu restes là, tu dors. Que moi, je me suis battu, hein. Tu dors, ta vie dort. Avez-vous vu dans la Bible que les gens se fatiguent chaque fois, mais Dieu donne à son... Sur leur couche, le père a mangé à ses enfants. Peux-tu donner vraiment à ses enfants? À ses vrais enfants, hein. Pas les enfants orgueilleux, comme nous sommes dit. Eh, bien-aimé. Donne-la comme ça, je mets ici. La Bible, prenez. Ecclésiaste chapitre 9, donc, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Nous avons vu effectivement les Philistins avaient un grand vaillant guerrier, appelé qui est encore là, Goliath. Il a pu vaincre une seule personne, le petit garçon là. Voilà. Ce sont des exemples pour que vous compreniez ce qu'il en est. Il dit, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu vas toujours avoir de la nourriture pour manger. Vous y êtes? Il dit, ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas être riche. Donc, ton intelligence ne veut pas dire que tu es riche. La majorité des scientifiques qu'on exploite leurs formules aujourd'hui sont mots pauvres. Mais voilà les formules. Si celui qui a inventé seulement le courant électrique, si pour la lumière comme ça, là, pouvait être là aujourd'hui pour bouffer de son argent, il serait plus riche que tout le monde parce que son énergie, ça sert à tout le monde, n'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, l'a frappé une fois, deux fois, peut-être c'est même ça qu'il a tué. Mais regarde, on a des juifs de ça aujourd'hui. Il dit, ce n'est pas de l'intelligence, quoi, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Vous avez vu, non? Car tout dépend pour eux. C'est-à-dire que chacun des groupes qu'on a mis ici, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vous entendez? Non, j'ai trop fréquenté. Il y a des gens qui sont nés le même jour comme toi, ils sont nés comme ça, leur père, leur mère est mort. Les deux sont morts. Il n'a pas eu la grâce de fréquenter comme toi. Donc, c'est par grâce que j'ai fréquenté, frère. C'est par grâce que j'ai fréquenté. J'ai fréquenté, tu fréquentes, tu as l'argent de baigner. Là, on te porte dans la voiture. Et même quand le jour qu'on te porte dans la voiture, tu boycottes que tu n'entres même pas parce qu'on t'a énervé à la maison. Il y a d'autres qui font 5 km pour aller à l'école par jour. 5 km aller, 5 km retour. Il doit retourner comme ça avant d'aller dans un champ qui est à 10 km pour porter du bois. Venir comme ça le soir pour qu'on leur dise maintenant que tu dois préparer la nourriture que tu dois manger pour le soir, frère. La personne se trouve à 21 en train de manger, il faut lire pour l'augmenter encore à nous jamais avec 5 km. Toi, peut-être l'école est à côté de la maison, il y a même la voiture pour te transporter. Et tu dis que tu as trop fréquenté. J'ai trop souffert, tu dis, j'ai trop souffert. Tu as passé par quelle école de souffrance? Donc faisons attention. La Bible déclare que tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Et dans Daniel 2, 22, la Bible déclare que c'est le Dieu du ciel qui contrôle le temps et les circonstances, qui sur la terre abaisse qui il veut, élève qui il veut. C'est Dieu qui dit cela dans la Bible. Regardez ce que quand Nebuchadnezzar a commencé à s'élever, à élever sa gloire au-dessus de la gloire de Dieu, à challenger le fait qu'il peut gonfler le royaume. Jusqu'à ce que le Dieu du ciel envoie la nuée pour lui dire que je vais t'humilier pendant 7 années, vont passer sur toi. Tu vas manger de l'herbe des champs comme des moutons. Et tu vas savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui fait toutes ces choses-là. Qui abaisse qui il veut, qui l'aime, qui il veut. Il dit c'est Dieu qui t'a donné le royaume. Il n'est nulle part un endroit où Dieu est venu dire à sa maman que accouche Nebuchadnezzar. Donner le nom de Nebuchadnezzar. Après, il va dire que oh, royaume, donne ça. Donc, derrière toutes les circonstances qui te concourent pour que tu partes arriver à cette position-là, c'est Dieu qui est derrière là, de tout cela. Vous entendez ça, frère? À Pharaon qui a résisté à Moïse, il dit je t'ai suscité à dessein pour monter en toi ma puissance. Donc, quand il est né, Dieu était derrière pour le conduire jusqu'au trône. Vous entendez ça, frère? Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Ne permettons pas ces sujets d'orgueil-là de demeurer en nous. Tout ce qui nous arrive, soit en bien, soit en mal, est sous la direction du Seigneur lorsque nous sommes dans sa volonté parfaite. Tout ce qui nous arrive, soit en bien, soit en mal, n'incriminez pas les gens dans vos affaires. N'incriminez pas les gens. Quand je dis n'incriminez pas les gens, c'est-à-dire que quand quelque chose arrive, n'accusez pas les gens. Ne doigtez pas les gens, laissez-les tranquilles. Ils ne sont rien là-dedans. Ils sont des marionnettes. Pourquoi Nebuchadnezzar a combattu pour aller au pouvoir? Les gens qui sont allés combattre, Dieu avait préparé la victoire, que ces gens qui vont gagner. Donc il faut qu'il y ait des gens à côté. Si c'est les élections, Dieu a compté les gens, même si c'est n'importe comment, Dieu va compter les gens, à disposer les gens qui vont faire que celui-là va au trône. N'incriminez pas les gens. Il est de la nature humaine de dire qu'il y a eu fraude ici, il y a eu ici, ici. Mais quand on est du côté de Dieu, la vision est autrement. Vous me suivez, frère? Amen. Le Seigneur veut que si quelqu'un se trouve à un poste de travail, qu'il remercie le Seigneur pour cela. Et il regarde conséquemment que la vallée dans laquelle je t'ai fait passer, pour que tu arrives ici. Sache que certaines personnes comme toi se trouvent dans cette vallée. Et un regard en bas pour retirer ceux qui sont là-bas dedans. C'est pour cela que Dieu t'a fait là-bas. Et si Dieu te met là-bas, tu commences à dire, tu commences à marcher sur les gens dedans. Quelqu'un vient dans ton bureau. Vous savez, il y a des gens, tu viens pour t'humilier, pour te chasser, te donne 500 francs. Là où tu habites, c'est 5000 francs. Tu as payé le transport, tu viens, tu donnes 500 francs, que tu sors. Vous savez, il y a des façons pour dire à quelqu'un, ne viens plus chez moi. Et on dit comme ça, le soir, on peut te mettre à genoux pour prier. Dieu va humilier les gens. Faisons attention. Faisons attention avec les frères et ceux qui vivent comme ça. Faites attention. Dis-lui que ce n'est pas par ta force que tu as voyagé. Ce n'est pas par ta force que tu travailles. L'heure de la récréation est terminée. Dieu va commencer à frapper. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que je me suis acquitté de ces divers messages. J'ai dit tout à l'heure Genèse chapitre 27. Vous y êtes? Notez Genèse chapitre 37 aussi. On va lire deux versets dans ces deux passages-là. Genèse chapitre 27. Nous abordons dans le troisième et dernier socle, qui certainement, Dieu voulant, va nous conduire sur plusieurs volets. Donc, c'est quoi la libération par le pardon? La libération par le pardon. Écoutez très attentivement. Même le thème là, c'est fort évocateur. Libérer quelqu'un par le pardon. Ça veut dire que, initialement, on est en conflit. Initialement, je suis en conflit avec quelqu'un ou quelqu'un en conflit avec moi. Et d'une façon ou d'une autre, je l'ai retenu. Quand on dit libérer, c'est quelqu'un qui a été captif, qu'on a emprisonné. Il faut libérer la personne. Notre cœur est un abîme grand et ouvert où beaucoup de compartiments de péché s'y trouvent. Tant que nous n'entrons pas de façon méticuleuse, là-dedans pour pouvoir disséquer comme ça, comme on dissèque par exemple le champignon, disséquer la viande pour pouvoir préparer les viandes hachées, on ne doit pas trouver les éléments qui s'y cachent. Vous allez continuer votre vie chrétienne croyant que tout va bien. Et puis, à un moment donné, on prêche comme ça, vous voyez qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis, tu dis que on est chrétien. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans pardon, c'est un principe. Il n'y a pas d'amour sans pardon, c'est un principe. Il n'y a pas de fondation chrétienne sans pardon et amour. Nous sommes basés sur ces fondations-là. L'amour et le pardon. L'amour implique le pardon implique l'amour. L'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner indifféremment. Les deux vont aller ensemble. Je l'aime. Oui, tu l'aimes. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, je ne veux rien avoir avec lui. Comment tu l'aimes? Oui. Non. Tu l'aimes? Non, je ne le hais pas. Tu l'aimes? Je ne le hais pas. Les deux choses, lui. Soit vous haïssez quelqu'un, soit vous l'aimez. Il n'y a pas de neuf. Soit quelque chose est mauvais, soit c'est bon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous êtes fille, soit vous êtes garçon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce qui est l'intermédiaire là, c'est le mélange d'hybride, c'est satanique. D'accord? Alors maintenant, c'est pour ça que le Seigneur dit dans Saint Jean, chapitre 13, verset 34, 36 à 37, il dit que si vous, voici mon commandement, vous laissez un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Donc entre les disciples, d'abord, il doit avoir l'amour. Puis maintenant, il ajoute maintenant dans ce livre de Luc, chapitre 6, il dit que aimez vos ennemis. Mais cet amour-là commence d'abord au milieu des disciples. D'accord? Dans le livre de Genèse chapitre 27, je crois qu'il faut commencer à donner le verset là. Je vous ai donné Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 37. Notez également Genèse chapitre 50, le verset 15. Notez, on va avancer, on va y revenir là-dedans. Il commence à donner le verset, puis dès que ça va s'arrêter, je vais avancer pour qu'on en lise. Dans Genèse chapitre 50, verset 15, notez. Genèse chapitre 50, verset 15. Dès que vous finissez, vous me dites, je continue. Genèse chapitre 50, le verset 15. On avance. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 16. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 16. On avance, bien-aimé. Philippiens chapitre 4. Versets 1 et 2. Vous y êtes. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Versets 1 à 9. J'ai dit tout à l'heure Philippiens chapitre 3, les deux premiers versets, donc verset 1 et verset 2. Il dit Philippiens 4, c'est ça? Philippiens 4, verset 1 et verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 10. Vous avez noté cela, verset 10 à 16. Vous avez noté? Romains chapitre 5, verset 1 à 9. On va les parcourir, maintenant on va commencer par le premier verset que nous avons lu. Je continue. Si vous êtes d'accord, je continue à donner. Jean chapitre 3, verset 15 à 20. Verset 15 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. Matthieu, chapitre 18. Oui. Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 19. Matthieu chapitre 18. On va lire lorsque le moment viendra. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 18. Bon, c'est bien, n'est-ce pas? Libérer quelqu'un au sens de ces messages-ci revient à pardonner absolument la personne et que le cœur en témoigne. Et que le cœur en témoigne. Il existe des tests pour savoir si oui ou non la chose est effective. Il y a les tests. Les tests, c'est est-ce que tu peux parler de la personne avec bonté, sans ressentiment? Est-ce que si tu entends la voix ou la personne le nom de la personne ou bien la personne, sa voix, est-ce qu'il y a l'irritation contre la personne? Le plus grand de ces témoignages, frère, suivez attentivement, regardez ceci. Le plus grand de ces témoignages, quand il parle de témoignage, c'est le témoignage du cœur. C'est est-ce que je peux m'agenouiller, aller devant Dieu avec cette personne pour prier véritablement pour lui, étant sincère. C'est le vrai témoignage là-bas. Par la qualité qu'on dit que non, je prie pour vous tous. Est-ce que tu pries pour moi? Je prie pour tout le monde. La personne a demandé pour moi. Est-ce que tu pries pour moi? C'est oui ou non. Non, je prie pour tout le monde. Et même pour le monde, là, tu ne peux pas prier pour tout le monde. Suivez attentivement, ne soyons pas hypocrites, d'accord? Nous voulons la vérité, pas vrai? Vous m'aimez, frère? Vous m'aimez, n'est-ce pas? Alors, par suite d'accords des bénédictions, par suite des choses qui arrivent dans la vie, nous sommes en thème chrétien, donc je parle aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui sont mûrs, n'est-ce pas? Donc je m'adresse à nous. Je te l'enseigne que ce que j'en ai dit, ça nous concerne. Je ne parle pas de ceux de dehors. Je parle de ceux qui nous concernent. Par suite d'une bénédiction quelconque que le Seigneur peut accorder, que quelqu'un peut avoir dans sa vie, une chose où quelqu'un vit dans sa famille qui est bénéfique, alors que toi tu ne vis pas, peut faire naître en toi la haine contre cette personne. Sans que tu ne saches. J'ai dit Genèse chapitre 27 aujourd'hui. Allons-y là-bas, voilà. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset. Vous devez connaître l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous pouvez aller directement au verset 41. Mais je vais lire à partir du verset 30 jusqu'au verset où c'est concerné. Pour que vous compreniez comment le contexte est bien situé. D'accord? Il s'agit ici de l'histoire de la bénédiction de Jacob. Jacob et d'Ésaü. Quand Isaac accorde, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Allons du verset 30 rapidement. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac lui fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, « Qui donc ? » Oh mon Dieu. « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ?» J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Parler des prophètes. Il y a des choses vraiment que. Dans la Bible, je n'ai pas le temps de parler de ces choses-ci. Je me souviens bien de cette histoire qui est arrivée au Nigeria, à la synagogue. Comme l'immeuble est tombé sur certaines personnes, on a commencé à dire à des types de choix qu'ils voient des choses de loin, mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans son immeuble. Il y a des choses que, quand vous ne connaissez pas Dieu, n'essayez pas de blasphémer. Il ne peut pas blasphémer. Voici un prophète qui est censé bénir. Ce sont ses fils qui l'entendent la voix chaque jour. Mais Dieu a voilé pour qu'il ne voit pas la chose qui est. Vous savez que le prophète ne voit pas avec ses yeux physiques. Hein, frère? Voici le prophète que son fils cadet vient. Il reçoit la bénédiction du premier-né. On dit qu'il est saisi d'une grande et violente émotion. Il dit que qui est dans celui-ci? Quand le Saint-Esprit parle au travers de lui, quand il dit la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Il ne peut plus corriger. C'est parler. C'est la bouche d'un prophète qui a parlé. Alors comment le prophète n'a-t-il pas reconnu ses propres enfants? Ça, c'est grave encore pour quelqu'un qui est de ses enfants, qui mange chaque jour. Celui qui te donne le gibier. On dit que celui-ci, celui qui lui donne le gibier chaque jour. Quand il tuait le gibier, il venait, c'est lui qui préparait de donner son pain. Le jour, il fallait bénir. Dieu a voilé les yeux. Vous vous souvenez de Jacob? C'est même Jacob qu'on a béni. C'est comment on va faire tuer son fils qui l'aime. Venir comme ça avec devant lui, avec l'habit. Lui montrer. Or, le prophète, normalement, on ne peut pas mentir un prophète, frère. On ne peut pas mentir un prophète. On lui dit que voici ses vêtements. La belle l'a dévoré, voici son vêtement. Il a pris, il dit que mais ça, les vêtements, à plusieurs couleurs que j'ai fait à mon fils. Plusieurs années, frère. Dieu n'a pas fait quiconque pour lui montrer que c'est bon. Que montre ici. N'est-ce pas, frère? Hein, frère? Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 37 et autres là, n'est-ce pas? Il va monter. C'est pas lui que. Chapitre 37, il va lui dire que monte à Bethel, non? Monte à Bethel. Dieu se réveille, il dit monte à Bethel, il ne dit pas où son fils se trouve. Il ne lui dit pas qu'il n'est pas mort. N'est-ce pas, frère? Il marche, il le délivre, il combat avec lui, parce qu'il dit qu'il est avec victorieux. Il ne dit pas là où son fils se trouve, n'est-ce pas? Imaginez comment ce père-là a été dans la peine dans son cœur. Dieu ne lui a pas révélé. Il n'est pas obligé de tout nous révéler. Il révèle selon ce qu'il veut pour nous. Continuons ici de toute façon. Verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Non, mais j'ai lu cela. Verset 33, on a lu également cela. Il dit, je l'ai béni, là, le dernier volet là. Je l'ai béni aussi. Sera-t-il béni? Donc, on ne peut pas changer cela. Mais frère, si un homme prononce pas le Saint-Esprit de bénédiction sur son fils, et il dit qu'on ne peut plus changer. À combien de raisons, c'est que le Saint-Esprit lui-même a prononcé avant de descendre du ciel. Que béni soit le Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on vient aujourd'hui, on dit que le chrétien va être maudit. Quand tu ne peux pas la dire, tu es maudit. Tu parles. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Bénis-moi aussi mon père. On va chanter un cantique, vous permettez? Chantez mon cantique, là, prenons le cantique là. Donnez à l'enfant ce que l'enfant veut. Chantez ce cantique numéro 57 si. Vous chantez, vous savez chanter ça, n'est-ce pas? Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde, pourquoi voilà la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise, elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive, Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Amen. Sortez ici, chacun avec un cantique ici. Ayez votre cantique. Donc, photocopiez. Prenez ça, vous photocopiez. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Voilà autant de choses. Donc, les gens qui mangent sans penser au lendemain, il a dit que le droit de naître, c'est quoi? Donne-moi le truc là, il veut manger, il veut mourir. Sinon, il veut mourir. On lui a donné à manger, il a dit que le droit de naître, c'est un donne-moi cela, il ne savait pas ce que ça implique. Le droit de naître est sacré. Donc, même si tu as quelqu'un qui est né dans ta famille, qui est ton grand-père d'une minute, tu lui manques de respect, tu as manqué de respect dans l'autorité divine. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec la ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit de naître. Et maintenant, qui vient d'enlever ma bénédiction? Et il dit, Nadir, recevez des bénédictions pour moi. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Vous entendez ça, frère? Il a établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Frère, même si son père voulait dire quelque chose de bon, il dit, c'est à vie à vous qui courez chez le pasteur, que pasteur, bénis-moi. Vous attendez qu'il vous dise quelque chose de bon. Dites qu'on vous dit la position de Dieu pour que vous sachiez en quoi vous en attendre. Et quand on ne vous dit pas que tu vas voyager, que tu iras partout, là tu regardes, tu commences à chercher des voies et moyens pour avoir le passeport, le visa, on bouffe ton argent, l'argent que tu pouvais développer un business sur place. Vous commencez à parce qu'on a dit qu'il faut qu'il fasse accomplir les prophéties là. Quand Dieu vous dit que vous allez voyager, frère. Quand il a dit que vous allez voyager, que c'est vrai qu'il a dit que vous allez voyager, celui-ci, quand il a dit n'importe quoi, vous savez, enfin, lisez seulement la vie de Jacob et voyez comment les bénédictions vont le suivre. On monte, on descend, les anges de montagne, des séies et des dômes vont servir Israël. Les voilà là-bas, on n'a pas les détourner. Vous suivez ça, frère? En 2000, en 2000 combien, quand ils sont allés au Nigeria, comme je vous raconte chaque fois que Dieu m'a envoyé au Nigeria, et puis il a dit, ce qui va se commencer là-bas, je t'amène ici afin que tu vois les abominations qui se font en mon nom. Il m'a dit en 2009 que tu iras au Nigeria. Vous savez, je n'ai aucune idée pour aller au Nigeria. D'abord, vous savez, j'aime ce pays. Aucune idée pour aller au Nigeria. Je dis, va au Nigeria faire quoi? J'étais en train de lire un dessin, j'étais sur mon lit comme ça. J'avais une position où j'aimais mettre les oreillers, j'étais en train de lire. Subitement, il vient là. Je lis le livre que ça n'a rien à voir, n'importe quoi. Il dit, tu iras au Nigeria. Vous savez, certaines choses arrivent si vous êtes seul. Si quelqu'un est là, tu vas dire, frère, tu as dit quoi? Mais il n'y a personne, vous êtes seul dans la chambre. Il dit, tu iras au Nigeria. Je ferme le livre. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas avec ici, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc tu vas chercher à l'extérieur, tu ne trouveras pas, c'est à l'intérieur. Tu iras au Nigeria. Je reste tranquille, au Nigeria. Suivant, ma femme m'appelle. Je crois que je lui ai dit que je vais aller au Nigeria. Au Nigeria, ouais. Frère, je n'ai pas de passeport. Pour aller dans un pays, au moins, il faut savoir là où tu vas. Quelqu'un comme moi qui vit avec en moyenne 25 francs par mois. 25 francs, c'est frère, par mois. Riez bien. C'est mon histoire à moi. 25 francs, il est en moyenne. Mon standard, c'était 25 francs CFA pour moi. Je pouvais avoir. Donc, pour avoir une dette de 100 francs CFA, ça me tue. Vous riez là-dedans. Hein? Chacun a son tour. Alors, je suis là, il dit, tu vas aller au Nigeria. Au Nigeria. Frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 minutes après que j'entends, je suis en train de méditer sur cette voix, le téléphone sonne, je vois plus 234. C'est l'indicatif du Nigeria. Plus 234 sont sur le téléphone. Regarde le téléphone, il dit que l'affaire c'est sérieux. J'ai dit, allô? Vous savez, en ce temps-là, on dit, il y a des gens qui appellent avec les numéros, on dit que si tu réponds, quelque chose va arriver, quelque chose comme ça. Là. Et il y a la phobie du fait qu'on dit que du Nigeria, là, les sorciers sont au Nigeria. Mais je suis serviteur de Dieu très haut. Une fois venu me dire, tu vas aller au Nigeria. Je prends le téléphone et je croche. Tu es où depuis? Je cherche ton numéro depuis jusqu'à. Je m'a mis à quelqu'un, il faut que tu viennes vraiment ici. C'est un de mes amis avec qui j'ai fréquenté plusieurs années qu'on ne s'est plus jamais vu. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Il m'appelle, il est au Nigeria subitement. Je suis en train de dire que si Dieu dit que vous allez faire quelque chose, il va pouvoir pour, par rapport à ces choses-là. Il va pouvoir. Tu vois le Nigeria, dans le Nigeria. Donc, une fois à parler, il y a une confirmation du fait qu'il y a un point de chute. Maintenant, il faut l'argent pour aller, pour y arriver. Il faut le passeport, puisqu'on ne voyage pas comme ça. Il faut le passeport. Je vais chez une maman, j'entretenais son enfant de temps en temps en mathématiques. De maman, il va voyager. Ah bon, tu vas voyager? Ok, je vais te faire le passeport. J'ai dit, frère, oui, je suis dépassé. Donc, vous essayez de contourner pour que quelque chose bloque pour que vous ne partez pas. Tout est en ordre. Je vais sur une autre encore, là, il va simplement assembler. Vous savez, ma femme me regarde comme ça en cuisine, elle dit qu'il ne raconte pas bien. Chaque fois qu'on rentre ici, elle dit que tu ne sais pas raconter les histoires. Mais je raconte l'essentiel. Vous pouvez percevoir l'essentiel. Je ne suis pas fan de. Je ne suis pas assidu pour raconter les histoires. Je regarde le point essentiel tant que je sais que c'est important pour la parole. Alors, je vais chez une autre maman chez qui on avait ouvert une autre promesse, celui de prier. Dieu m'a dit que je dois aller au Nigeria. Et elle est en train de faire quelque chose au portable. Il dit que mais je vais te payer le transport. L'autre a réglé le problème du passeport. L'autre a réglé le problème des transports. L'autre a réglé le problème du point de chute. Frère, il n'avait plus le choix que de partir. Mon épouse est témoin. Quand elle m'accompagnait le jour-là, j'ai prié qu'un événement arrive pour qu'il rentre. Je la regardais à la fenêtre du conseil, il pleurait comme un enfant, comme vous voyez un enfant, c'est pas comme ça. Là voilà. Elle-même pleurait. Vous savez, quand la voiture part, on court encore, elle court encore voir la voiture. Ne part pas. J'arrive au Nigeria. Dieu s'est arrangé à ce qu'il me reste 60 francs dans la poche. Parce que vrai, ce que j'ai vu quand il est mis au Nigeria, s'il y avait le transport pour rentrer, je rentrerai. Je suis resté au Nigeria, je suis arrivé au Nigeria avec 60 francs dans ma poche. La mime qui m'avait fait, j'ai fait d'abord 2 jours en route, ce qui fait que le téléphone était déchargé. Je n'ai pas son numéro en tête, le numéro est tellement long là-bas. Je suis arrivé là-bas, on est arrivé vers minuit à l'endroit, en plein carrefour là-bas à Abuja, la capitale Abuja. Je suis resté là. On a déchargé tout le monde est descendu. Les gens venaient prendre leur personne, j'avais ma valise là-bas comme ça, debout là-bas, en plein carrefour. Les gens sont partis, il y a l'obscurité. L'obscurité ne fait que ça, on est arrivé très tard. J'ai appelé celui-là en dernier lieu, j'ai demandé, on est où ici? Il dit, Djabi. J'ai dit, Djabi, le téléphone a fait pape, ça s'est éteint. Donc, il ne savait pas s'il a écouté ou il n'a pas écouté. Je suis resté là. Tout le monde est parti. Je suis resté dans l'obscurité là-bas. J'ai dit, mais mon type en haut là, c'est toi qui m'as cherché à Douala. Tu as dit que je viens au Nigeria. Ici, je n'ai pas de chargeur. Il n'y a pas de lumière à gauche. Toutes les maisons là-bas ont les barrières. Il n'y a personne ici. Mon téléphone est éteint. La personne qui doit me prendre, je lui ai dit, Djabi, s'il l'entend, il ne l'entend pas. Si on va me tuer, manger ou me vendre dans la société comme il va dans les films là, et on me tue, on me vend dans les films. De toute façon, si tu te fâches, tu vas disparaître là-bas. Je suis resté là tranquille. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, je n'ai pas bougé là-bas. Chacun pouvait passer avec la moto, me connaître là-bas. Mais j'étais sous sa garde. En voyant la voiture garée, on ne pas. On dit que le voici, on t'a cherché depuis. En dans le sac, j'ai dit, ouf, ça allait. Je suis allé au Nigeria. J'ai fait des mois et des mois là-bas, j'ai pris, j'ai jeûné, 7 jours, j'ai jeûné. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Il ne parlait plus. La personne qui a parlé à Douala n'a plus parlé. À un moment donné, quand il me prie pour chanter les livres, je t'ai fait venir ici. J'ai dit, Dieu répond comme il veut, ne fait pas selon nos plaisirs. Je t'ai fait venir ici afin que tu vois les abominations qui se commettent ici en mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, que tu ne fais pas de ces abominations, veille à ce que cela n'arrive pas. C'est pour ça qu'il doit travailler comme ça, malgré que ça peut me valoir des ennemis, parce que c'est qui a parlé. Il sait où il est en train d'aller et ce qu'il est en train de faire. Donc il tente de prendre ceci pour dire, n'essayez pas d'aller vers quelqu'un pour dire que bénis-moi, parce que ce qu'il va prononcer sur toi, tu vas donner de l'enveloppe de 25 000, comme les gens donnent l'enveloppe prophétique. On n'achète pas les prophéties. On n'achète pas les preuves. Le simple fait que vous donnez quelque chose pour recevoir une prophétie montre de quelle source ça vient. Le simple fait que vous donnez l'offrande pour qu'on prophétise sur vous montre quelle source, ce qui vous anime et ce qui anime la personne qui reçoit cela. Parce que vous devez comprendre que toute grâce excellente vient de la part du Père des Lumières. C'est dans vous que ça vient, là, frère. D'accord? Donc, celui-ci a dit que Père, n'y a-t-il rien pour moi? Alors maintenant, humainement parlant, c'est son Père. Un Père aimerait dire quelque chose de bien à son enfant. Il pouvait dire que non, mon fils, laisse comme ça. Comme tu chasses là, hein, tu vas tuer, quand tu vas lancer une flèche, tu vas tuer quatre lions. Il devait le tromper pour ça mourir. Quand il va lancer la flèche, ça n'arrive pas. Il va encore aller déterrer ton Père pour lui dire que tu avais menti. Donc, faisons attention. Parce que tu as quoi pour moi, il n'y a pas rien que c'est le Seigneur a dit. Si le Seigneur a dit, il va te dire. C'est comme ici, il y a des gens ici que depuis j'ai le message. Il y a des messages qui vous disent, pendant qu'ils prêchent comme ça, avant que j'envoie là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas supporter. J'en ai des preuves, des quantités. Des gens viennent à la maison. Frère, dis-moi. Je dis à l'autre, tu n'es pas prêt à supporter la vérité. Et elle se tient sur la table, je lui dis la vérité. Elle dit à ma femme que regarde, je viens de lui dire la vérité. Elle n'a même pas entendu que j'ai dit la vérité. C'est la question qu'elle a posée, j'ai répondu à haute voix trois fois. Elle n'a pas entendu. Trois jours après, frère, dis-moi, quelle est la volonté de Dieu pour cela? Il dit, je te l'ai dit. Ma femme dit, il t'a dit, justement là-bas, il m'a même dit qu'il t'a dit. Il t'a dit trois fois. Il dit, hein? Il m'a dit, c'est quoi alors? Je lui dis maintenant clair. La maladie l'a attrapé. La personne qui disait que non, je suis prêt à supporter. Je suis prêt à supporter la vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend quand tu te tiens là-bas, on presse là, on met ça à l'intérieur. Ton esprit entend, ta chair ne comprend pas. N'allez pas, ne courez pas, quelle est la volonté pour moi? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Va parler. On a dit que Junior a accès à lui seul. On a dit que vous avez vu quelque part là-bas que par lui, Junior a accès. Les uns, les juniors. Mm-hmm. C'est écrit là-bas que par lui, nous avons accès les à haute voix. Les uns, les autres, là, c'est mon nom. C'est le nom du pasteur, du prophète. Frère, les uns, les autres, c'est qui? Chacun vous a pas, hein? Que j'entends encore Junior. Qu'est-ce que Dieu dit de ma part? Allons-y ici. Il dit ici. Et regarde, voici verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Qu'est-ce que de bénédiction un père peut donner à son enfant? Vous voyez, si c'était sur le contrôle de l'homme, il dirait de bonnes choses. Mais ici, c'est le contrôle du Saint-Esprit. Quand il ouvre sa bouche, c'est Dieu qui parle. Vous savez, c'est ça. De la même façon, quand Balak va prendre Balaam de venir maudire Israël, il a la volonté d'aller maudire. Il dit, placez-moi ce taureau ici avec cet holoscope. Il donne le holoscope, c'est net. Tout l'offrande qu'il donne pour qu'il n'y ait pas d'obstacle devant Dieu est donné. Il donne véritablement bien ses 7 mots. Il donne 7 là-bas, il donne 7 là-bas. Donc tout ça en égalité. Prophète. Mais Dieu a d'abord prononcé quelque chose depuis Genèse. Ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il ne peut plus changer cela. Il s'est tenu là, il avait la bouche. Je vois Israël dans sa tente. Frère, l'autre dit que, mais mon ami, j'ai dit que tu les maudis. Il dit, je ne peux rien faire. Quand tu es encerclé par le Saint-Esprit, il ouvre la bouche. Ok. Si tu ne veux pas les maudire, ne les bénis pas. Lève-toi, Balak, je te dis que c'est que ce peuple-ci fera ton peuple dans la suite des temps. Voici, ainsi parle le Seigneur, celui qui. Balak, ainsi parle Balak, parole de Balak, fils de Beuzon, celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Balak dit on ne parle pas. Alléluia. Mm-hmm. Donc, quand tu es sur le couple du Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement. Il y a plus de. Quand le Saint-Esprit entre en action, ce n'est plus mon frère, C'est pour ça que quand Jésus s'est tourné là-bas, il a regardé Marie, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a accouché la chair, il n'a pas accouché le Saint-Esprit. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Elle n'est pas l'épouse du Saint-Esprit. Pour être l'épouse, il faut consommer le mariage. Le Saint-Esprit n'a pas consommé le mariage avec Marie. Ah, catholique là. Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Mon Dieu. Verset 40. Tu vivras de ton épée. Et on le voit là-bas. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Donc voilà sa seule bénédiction. Essaie d'esquiver, mon ami. Esquive ton frère. Tu pourras vivre un peu bien. Verset 41, selon on avait. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, soulignez verset 41. Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Dans le premier passage. Vous y êtes. C'est pour cela qu'à l'entrée d'ici, je disais, par suite des circonstances, un événement peut arriver à ton frère qui est à côté, soit dans la maison, soit au milieu de l'assemblée comme ça. Quelqu'un reçoit une bénédiction de la part du Seigneur. Au lieu de glorifier le nom du Seigneur, qui se manifeste comme ça en donnant à son peuple, à quelqu'un en répondant aux prières, ou bien certaines interrogations de certains, au lieu de rendre grâce à Dieu comme ça, comment ça dit que elle a fait quoi pour mériter cela? Moi, je suis dans la foi depuis avant elle, non? Ce n'est pas une compétition chez Dieu. Nous sommes sur la terre, pas vrai? Pendant qu'un pays accumule les saisons sèches, les saisons sèches, c'est juste parce qu'il implore qu'une goutte de pluie tombe. Cette même goutte de pluie en train de tuer les gens de l'autre côté. Les gens sont les suppliés, disent que Seigneur, fais que le soleil sorte parce qu'ici, l'innocent veut le tuer. D'autres personnes sont en train de dire de l'autre côté que Seigneur, fais tomber la pluie, la sèche va nous finir ici. Pas vrai, frère? Et le soleil la sort du ciel et la pluie la sort du ciel. Et c'est Dieu qui fait l'un et l'autre. Donc, maintenant, si le soleil sort de l'autre côté, je dis que le soleil est en train de tuer les gens là-haut. Souvenez-vous de ce qu'il dit ici quelques jours. Que le moment sur la terre ici, il y aura des intermittences quelque part. Des excès, des inondations de part et d'autre, des chaleurs quelque part où les gens vont mourir famés. C'est ça, frère. Ça arrive, c'est devant. C'est programmer une crise alimentaire. C'est un décret du haut. C'est programmer. Ça va toucher la terre, ça va créer des problèmes monétaires sur la terre. Les banques, tous vos économistes, là, les plus grands savants, vont devoir faire une réunion et penser. Et quelqu'un va se lever en ce milieu-là pour parler de Dieu, pour eux. Pour qu'ils comprennent qu'il y a un Seigneur dans le ciel et sur la terre qui contrôle tout sur la terre. Ça arrive. Si ils pouvaient seulement me mettre là pour dire en détail ce qui va arriver, c'est pour ça que je suis obligé de donner certains clichés comme ça. Alors, dans votre vie, il faut surveiller donc les bénédictions de quelqu'un. Les bonnes choses que quelqu'un reçoit ne soient pas une occasion de haine dans votre cœur. C'est ça que je suis en train de dire. Regardez, celui-ci a entendu que son frère a été béni. Bon, maintenant, c'est son frère, n'est-ce pas? Il sera béni de la rosée du ciel, de la rosée de la terre. Bon, si c'est son frère, ça se pense qu'il peut collaborer avec lui pour manger. N'est-ce pas, frère? Pourquoi donc la haine sur le cœur? Parce qu'il aurait souhaité être aussi autonome pour la compétition des bénédictions. Vous voyez ce que ça a engendré, la haine sur le cœur. Et cette haine-ci va aller jusqu'au chapitre 37, jusqu'au chapitre 37. Et ça s'est étendu maintenant dans sa lignée. Il était enceinte, que même si quelqu'un est calme comme ça, c'est un serpent. Il a toujours la haine sur le cœur. La haine sur le cœur. Il dit, lorsque le deuil de ton, il attend que son père meure, il n'est pas sûr, il est sûr que c'est son père qui va mourir avant lui. Il dit, lorsque le deuil de son... Attends, je vais traiter les garçons. Quand le deuil passe comme ça, il va me sentir. Vous comprenez pourquoi la terreur avait envahi son frère lorsqu'il va rencontrer Esaü, n'est-ce pas? Même si il a donné le cadeau n'importe quoi, le gars dit que le cadeau ne suffit pas, c'est lui qui va traiter. Il va me dire pourquoi il a pris mon droit de naissance, il a pris ma bénédiction. J'ai souffert dans le désert comme ça à cause de lui. Je vais le faire en découdre. Donc, les bénédictions des uns et des autres, les promesses de Dieu s'accomplissant dans la vie de quelqu'un. La façon que tu vis, par exemple, dans la pauvreté, et que quelqu'un de vivre dans l'aisance et qui est sorti, la tête de l'eau peut être pour toi une occasion de haine, de façon sournoise dans ton cœur sans que tu ne le saches. Alors, ça crée donc les dissentiments, les haines, les antagonismes, les querelles sans nom. Voyez donc dans la famille, pour rien comme ça, les querelles naissent. Il dit pour rien, les querelles naissent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fréquenté dans la famille aimerait que ce soit lui qui soit vu dans la famille. Il l'aimerait comme ça. Subitement, le Seigneur suscite quelqu'un qui n'a pas le CPE de trouver un bon travail, bien positionné. Et lui, la personne avec son diplôme, avec tout son travail, son savoir, veut commander. Mais il n'a pas la possibilité de commander. Celui qui a les moyens montre qu'avec mon CPE dépasse ton bac. La compétition commence, la jalousie commence. Tu entends l'enfant de tel, quand l'enfant de tel est habillé. Tu envoies même ton enfant, là, quand il achète l'habit, il veut montrer, même si tu achètes sans intention, il veut montrer qu'il a l'argent. Tu fais un don comme ça, il dit que on lui a dit que je manque de riz ici. Ce sont les expressions pour montrer qu'il y a quelque chose sur le cœur. des bombes à retardement qui se transmettent de génération en génération. Plusieurs chrétiens sont donc sous le coup de la malédiction à cause de ces choses-ci. Particulièrement ceux qui sont nés dans des familles polygames. Particulièrement ceux qui sont nés dans des familles polygames. L'enfant de tel, l'enfant de deux femmes dans la même maison, même père. On commence à mettre des compétitions sur les enfants. Tu es né de telle mère. Quand on veut manger, on fait la partie à la maison. Quand le père est là, tout, on fait comme si rien n'était. Quand il sort, grave encore sur le père, mais qu'il laisse les biens sans avoir fait le, quoi, le will, le testament. C'est fort. Regardez la division qu'il y a à cause du matériel. Et là, maintenant, les gens grandissent dans le cœur. Vous voyez, la première femme, peut-être la première femme a eu la grâce que, avant qu'elle ne soit là, l'argent était là, on a envoyé le fils à l'étranger. Quand celui qui est à l'étranger, maintenant, la première femme, après, vous dit que tes petits frères, comme ça, la fille de la sorcière, là, veut me tuer ici au Cameroun. Tu les envoies encore l'argent, je soulève mon cabaret au Carrefour. Qu'est-ce que les frères, le celui qui est à Nero, fait, dit que maman, ils t'ont fait ça, elle donne les breaking news qu'elle donne là-bas. Pourtant, ceux-ci sont ici, sont misérables, ils attendaient seulement à ce que quelqu'un leur donne un peu de pain pour manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui de là-bas dit quoi? Il dit que c'est la dernière fois qu'il avait pour intention de faire venir telle, de faire venir Mirabel, que Mirabel monte. Elle ne monte pas le papier là. Mirabel, après chaque fois, tu vas entendre seulement Orange, transfère votre message dans la message vocale de votre correspondant. Il ne répond plus parce que la mère a fait cela. Pourquoi? La haine sur le cœur. Donc, des choses peuvent arriver comme ça, ça vous pousse à voir. J'ai soin de vous faire des exemples, donc des exemples pour que vous puissiez voir ces circonstances autour de vous. Vous pouvez avoir de la jalousie sur le cœur contre quelqu'un sans savoir comment ça naît. C'est ça. Il peut avoir de la jalousie sans savoir comment ça naît. Quelqu'un qui prie depuis, ça ne mange pas. Quelqu'un, vous voyez, le nouveau venu vient. C'est pas, les choses se passent pour eux, non? Qu'est-ce qui se passe sur vos cœurs, vous les anciens? Quand vous vous réunissez entre vous, qu'est-ce qui se passe? Maman, Dieu, là, il fait la combine, il est aussi la combine. Je suis là depuis, rien ne se passe. Quelqu'un, un nouveau vient, il a sa bénédiction. Vous savez comment il a souffert avec Dieu? D'abord, même s'il n'a pas souffert, si Dieu te, lui donne, tu es quoi? Tu es qui pour demander à Dieu? Est-ce que si Dieu agit, quelqu'un peut demander pourquoi il en est d'agir? Donc faisons attention. Ça fait le temps que si la soeur ou bien le frère vient te saluer, tu dis que laisse-moi. La personne dit que okay, j'ai fait quoi à ces mamans-ci? J'ai fait quoi à ces frères-ci? Tu n'as rien fait tout simplement parce que tu as été béni. Donc les bénédictions et les choses qui nous font la guerre de l'âme dans ces vies, les matériaux de ces vies, peuvent être une occasion pour jalouser quelqu'un et avoir de la haine, comme nous avons vu dans ce livre aussi. D'accord? Si vous lisez dans le livre, dans le chapitre 37, vous allez voir la même chose là-bas, le résultat de cela. Dans le chapitre 50, je vais s'en aller rapidement là pour qu'on en finisse ce soir-ci. Dans le chapitre 50, verset 15 que je vous ai donné, c'est l'histoire des... Vous savez, quand Joseph a été vendu par ses frères, maintenant son père est décédé, les gens commencent à dire, oh, regardons ça, verset 15 du chapitre 50. Regardez ça, ce que ça dit là. Chapitre 50, verset 15, c'est ce qu'il dit nous aujourd'hui, non? Regardez. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, le fait que quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais peut être un sujet de haine contre ton cœur et contre ta propre vie. Écoutez très attentivement, il faut que vous saisissiez l'importance de ces choses-ci. C'est que, un, si vous retenez quelqu'un captif dans votre cœur, vous êtes vous-même captif avec la personne que vous avez retenue. Votre destinée est avec. Je vais retenir ça même 3 ou 4 fois pour vous saisir jusqu'à ce que, à quel niveau ça part. Si vous retenez quelqu'un captif sur votre cœur, dans votre cœur, et vous refusez de pardonner, vous venez de vous rendre captif vous-même avec cette personne-là et toute votre postérité avec. C'est jusque là où ça part. Vous savez, cette chose dans ce livre de Matthieu chapitre 6, je vous ai donné là. Pardonne nos offenses comme. Si nous ne pardonnons pas nos offenses, ou les offenses. Alors maintenant, si le deuxième volet ne nous pardonne plus, tu es où là avec Dieu? Vous voyez que si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir avec Dieu, n'est-ce pas? Donc le pardon est nécessaire et absolument vital pour notre vie de communier avec le Seigneur et avec les autres. D'accord? Si nous gardons les gens captifs sur notre cœur, retenons que nous nous sommes mis captifs avec cette personne-là, y compris notre destinée et par conséquent notre postérité. Tout ce que tu fais maintenant, tu vas faire dans l'aveuglette, tu vas seulement tomber de trou en trou. Beaucoup de problèmes des chrétiens maintenant arrivent au niveau justement du fait qu'on n'a pas pardonné. Tout tourne autour du pardon. Et Dieu, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 et 20 que je vous ai donné, Il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu savait que tôt ou tard le monde retournerait à lui. Donc il fallait, c'était mieux de faire la réconciliation, de faire le problème, de première part, de pardonner. C'était de son intérêt aussi à pardonner parce que le monde devait retourner à lui. Et la haine ne peut pas retourner dans le cœur de Dieu. C'est l'amour, la paix. Donc il fallait la réconciliation. Et il dit donc qu'il a mis en nous dans cette parole de réconciliation, comme si Dieu exhortait les hommes par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, c'est accepter son pardon et pardonner aussi. Réconcilier avec Dieu, c'est accepter son pardon. Son pardon. Son pardon, c'est parce qu'il y a eu offense. On pardonne lorsqu'il y a eu offense. Il y a besoin de pardon parce qu'on a été offensé ou bien on a offensé. Et que vous l'admettez ou non, vous offensez et on vous offense. Vous admettez ou non, vous faites le bien n'importe comment, vous allez offenser et on va vous offenser. Quand Jésus a dit la vérité, il offensait les Juifs. Pas vrai, frère? Il disait quoi? Les Juifs se sentaient offensés. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la vérité qu'il leur disait. Frère, faisons attention. Notre vie doit être à la lumière de la parole du Seigneur. D'accord? Regardez dans ce livre de Philippiens, chapitre 4, les versets 1 et 2. Regardez ce qui se passe là-bas avec ces deux filles-là. Parce qu'au milieu, il y a toujours sujet d'avoir des dissensions. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardons ces Philippiens. Philippiens, on lit Philippiens, puisque Colossiens se trouve tout juste à côté là. On va lire Colossiens après. Philippiens chapitre 4. Alors, regarde verset 1 et 2. Je vous ai dit les deux premiers versets, c'est ça? Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc quelque chose s'est passé entre ces deux sœurs. Dans la même assemblée, les sœurs ont commencé à vivre parce qu'il y a eu tension initialement avec eux. Alors quelque chose va se passer sur le cœur. Si tu viens chez Evody, tu dis, la sœur, Saint-Tiche a dit, hey, je ne vais pas voir le nom là ici. Doucement, doucement, doucement. Regardez verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. De les quoi? Elles qui ont combattu pour l'évangile. Ouais. Ouais, ça n'est-ce pas? Donc voilà les gens qui sont délivrés au même combat. Sont dans le même camp de l'armée, mais ils ont un petit dissentiment, ça commence à créer la tension. Il y a sujet toujours que quelqu'un, de façon sociale, puisse t'attaquer. T'attaquer soit directement ou indirectement. Quelqu'un peut faire par son comportement. Quelqu'un peut faire par d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il lui manque peut-être une éducation naturelle comme nous avons aujourd'hui. Et que toi, tu as cette éducation. La personne n'a pas accès à cela, n'a pas eu accès à cela. Et tu t'attendais à ce que la personne agisse d'une certaine façon. La personne n'agit pas, vous ne vous comprenez pas, tu le prends à cœur. Ce sont des choses qu'il faut régler. Regardons Colossiens qui est juste derrière. Colossiens chapitre 3, regardez cela. Colossiens chapitre 3 là, verset 10 et suivant. Regardez. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Regardez verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Quand le Saint-Esprit dit cela, ça suppose qu'il y a des sujets qui peuvent se passer au milieu de nous où ça peut t'amener à dire que non, j'en ai ma claque avec celui-là. Il faut que je le place en quarantaine. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous avez ça? Donc il peut avoir des sujets de plainte contre quelqu'un. Si l'un a sujet, si l'un, on n'a pas dit que c'est la norme. La norme, c'est qu'on soit tous en paix. La norme, c'est qu'on s'aime tous. La norme, c'est qu'on vive d'un même sentiment, on soit animé d'un même sentiment, d'un même esprit. D'un seul cœur pour pouvoir louer le Seigneur de la même façon. C'est ça la norme, c'est le standard là-bas. Mais il dit que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, première chose, vous avez vu cela? Vous avez vu, frère, je veux que tout le monde lise cela. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ vous a un ordre de on dit quoi? Pardonnez-vous aussi. Vous suivez ça? Donc, il n'y a pas de problème entre un chrétien et un autre chrétien qu'on ne peut pas régler. entre un chrétien et un mondain, on peut admettre que le mondain peut avoir des positions qui ne tranchent pas avec les Écritures. Et vous n'êtes pas tenu de le forcer. Tu lui dis, Dieu te botte la Bible avec les pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tenu de le faire. Mais toi qui as fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ par le sang de son sacrifice, vous êtes tenu, vous êtes soumis ici, à moins que tu dises que je me retire. Il dit que si l'un a su de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est pour ça qu'il a dit à celui-ci dans le troisième verset de ces Philippiens chapitre 4, oui, mon collègue, aide-les. Parce que ce n'est pas facile. Remarquez très bien que le Saint-Esprit n'a pas dit que jugez-en et donnez qui a raison, qui a tort. Dans un problème entre chrétiens, il ne s'agit pas de sortir qui a tort, qui a raison. Non. Il s'agit que le problème se dissipe. Il s'agit que la paix de Christ revienne et que c'est le Christ, le Seigneur, qui soit le souverain. Il s'agit même souvent de perdre ses intérêts au profit de l'autre pour que la paix puisse arriver. C'est jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que je peux avoir raison et l'autre ne semble pas avoir raison. Si je suis grand, souvenez-vous de ce qu'il a dit, que celui qui est fort spirituellement soutient les faibles. L'autre ne comprend pas parce qu'il n'a pas encore accès à un certain niveau de connaissance. Tu as cette connaissance-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas te comporter à son niveau. Tu dois te rabaisser plutôt à son niveau pour mettre à sa place que cette personne n'a pas la connaissance dont tu as. Et par conséquent, tu vas te faire montre d'un peu d'humilité pour admettre que la personne a raison. Fils, la personne va grandir plus tard de ces jours, le Dieu va lui montrer qu'elle n'a pas raison. Frère, c'est le niveau-là. Il dit qu'on se pardonne réciproquement. Remarquez, Christ, étant dans sa position de Dieu, est venu dans la chair, s'est rabaissé jusqu'à la création. Pas vrai? Descendu jusqu'à la création, il est devenu au niveau du serviteur, lavant les pieds. Pas vrai, frère? Il avait fait quoi de mauvais avec nous? Il nous devait quelque chose. Il nous avait commis des torts. C'est nous qui l'avons chicoté à la croix jusqu'à dire, descends, alors on va voir que tu es Dieu. Pas vrai? Il nous a pardonné quand nous étions encore des pécheurs. Et la Bible déclare que, et si l'un de vous a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. En milieu chrétien, le Saint-Esprit donne l'ordre que si l'un pardonne, l'autre doit pardonner. C'est ce qui vient d'être écrit là-bas. Pardonnez-vous réciproquement veut dire que l'un, l'autre. D'accord? C'est pas que frère pardonne-moi, tu dis que oui, je te pardonne, mais pour moi, c'est pas encore fini. C'est pas ça. Il dit pardonnez-vous quoi? Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Nous acceptons le pardon de Christ parce que de son côté, c'est déjà réglé pour nous. Vous saisissez ça, frère? Du côté du Seigneur Jésus-Christ, son pardon pour nous a déjà été accordé. C'est pour ça qu'il est mort. La preuve qu'il nous a pardonné, c'est qu'il a donné sa vie. Et il ne donnera plus sa vie pour une deuxième fois. Parce qu'il nous a déjà pardonné. Dis à ton prochain maintenant, pardonne. Pardon. Quel qu'en soit ce qu'on te fait, pardonne. Tu as intérêt. Parce que ta vie en dépend. Pointe-le au bout du nez maintenant, je vais dire quelque chose, pointe-le. Si tu ne pardonnes pas, il devient clair et évident que tu n'es pas un chrétien. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. On va voir la suite la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.